Madame Landreau, bonjour. Bonjour, frère Junior. Du côté de Viry Châtillon, bonjour. Bonjour, mon frère, à moi toute seule. Donc, je ne suis pas le frère alors, de la sœur Viry Landreau, c'est ça? Chacun négocie sa place, moi je négocie pour moi. Comment vous allez? Comment va la maison? Très bien, par la grâce de Dieu. Ton frère est là, juste à côté, il arrive. Eh bien, je ne le vois pas, je vois seulement Isa. Il est encore sur les chaînes, il est sur les chaînes de Mamré. Le seul, le frère Abraham de Willy Châtillon. C'est comment mon frère? Bonjour. Ah, ça va et ton frère Junior? Il va toujours très bien. Ah, ça se voit, ça se voit. Oui. Le petit garçon, ça va? Oui. Très bien, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de faire. Oui, que le Seigneur te bénisse. Tu restes tes cheveux comme Abraham tondait souvent les brebis, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. La sœur Kelly Nyanré, bonjour. Nyanré. Shalom, shalom, bonjour frère Junior, bonjour bien-aimé. Oui, comment tu vas ce matin? Ça va bien, par la grâce du Seigneur. Raconte-nous les merveilles que le Seigneur fait. Le souffle de vie qu'il a bien voulu nous renouveler ce matin, la présence de nous toute la nuit passée. Et sa grâce et son amour, il nous pardonne nos offenses, voilà. Amen. C'est tout le travail du Seigneur. Et les enfants vont bien? Oui, ils vont bien, merci. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Amen, merci beaucoup mon frère. Madame Landreau, ce matin tu es très souriant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Monsieur Landreau t'a fait pour que tu sois souriant ce matin-ci comme ça? Rien mon frère. Rien? Donc tu souris pour rien comme ça? Mon frère Willy Landreau, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tous. Comment tu vas ce matin? Ça va frère Julien, ça va très bien, merci. Et les enfants vont aussi bien, n'est-ce pas? Oui, ça se passe bien. Recevez particulièrement la salutation discrète de ma femme Grace. Elle a dit un bonjour discret à la France dans la sainteté ce matin. Elle a dit que j'ai dit cela. Amen. Amen. Donc, je répète. Oui, le frère. Oui, mon frère. Donc, elle a dit, je vous salue discrètement en son nom, à la France, dans la sainteté. Amen. Nous l'embrassons très fort et nous la remercions de t'épauler dans ton travail. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, il n'entend pas le frère Abraham parle. Elle est trop discrète. Oui, je dis ça, je dis encore, elle est trop discrète quand même, ça fait un bail. Oui, donc ça veut dire qu'elle se cache trop quoi. C'est un peu trop, je trouve que c'est trop. Si tu vois que, toi-même tu vois que c'est très rare qu'on a dû parler à Sadat de Sarah dans le Nouveau Testament, dans le livre des Galates chapitre 4, dans 1 puis chapitre 3, donc elle était très rare. Mais juste qu'on l'a présenté seulement discrètement, quoi. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est vrai, mais là, nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. C'est pour ça que... nous sommes dans le même corps. C'est pour ça que... c'est pour cela que c'était Galates et 1 Pierre sans citer le livre de Genèse. Voilà. Donc, si nous sommes sur la grâce, c'est bien que... hein, et en plus, son nom, grâce. Hein? Oui. Donc, elle est en pleine grâce dans la grâce. Alors, la sœur Kelly, je crois qu'il y a des gens qui se sont enlevés là pour qu'on puisse lancer la paix. Comme tu fais souvent, il faut les rejoindre déjà. La sœur Anne, bonjour et bienvenue. Mon frère, comment la sœur Julie, tu dis quoi? J'ai déjà rajouté tout le monde, même la sœur Flora, elle n'était pas là, la sœur Kelly. Donc, je les ai tous rajoutés. Tout le monde est là déjà. Oui, merci pour ça. Mais il faut pas... Connect. Merci pour ce travail-là que tu fais chaque jour auprès de ton mari, sous le chef de Mamré, dans la cuisine, ainsi de suite. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir à Dieu, Seigneur. Nous allons croire que le sanglier est derrière le congélateur. La sœur Anne, bonjour. Ah, mon père. Nous sommes bien là, t'inquiète pas. Où est la sœur Andy? Il la voit même pas. Mais ça fait. Je suis là. Oui, comment tu vas? Tu m'entends, allô? Oui, oui. Il y a un bruit de ton côté. Bonjour, bonjour. La sœur Paul Gertrude, bonjour et bienvenue. Bonjour mon bien-aimé frère Junior, bonjour à tout le monde. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Amen, amen, amen mon frère, qui te bénisse également. Oui, mais nous n'avons pas oublié la confrontation. Tu es allé chez le bien-aimé, le frère Ngabo, et tu as mangé mon sanglier là-bas. Il faut qu'on résolve ces problèmes-ci. Mon frère, t'inquiète, j'ai réservé le sanglier ici au congélateur. Ok. Donc tu as apporté une part là-bas. Exactement. La sœur Nafissa Lâché, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom frère, shalom à tous la famille, à toute la famille. Shalom, shalom. Alors la sœur Nafissa, prépare-toi à la visitation, d'accord? Frère, je me prépare. Je serai au rendez-vous. Prépare-toi. En tout cas, le Seigneur nous a fait grâce. Que le Seigneur te bénisse. J'espère qu'il n'y a pas encore salué. Il n'y a pas déjà. Il croit au fur et à mesure que vous allez vous connecter. Comment vous. Il croit que c'est les femmes qui sont nombreuses à la réunion ce matin-ci. Il n'a été question que le frère Gabou qui se trouve de l'autre côté. Et lui-même n'était même pas visible. C'était la femme qui était visible. Sinon, comment avez-vous passé la semaine? Dites-moi, parlez de votre semaine. Parlez-moi de vous. Je suis là, frère. Je suis là. Voilà, en position maintenant. En position de force. Oui. Oui, racontez-moi. Pendant chaque fois que vous priez, pensez pour ceux du Sénégal, particulièrement, principalement ceux des frères des Ziguinchor. Dans vos priez, pensez à eux. Amen. Amen, amen, frère. Alors, la sœur Anne, où est mon frère? Mon frère est parti où depuis? Comme il y a du bruit chez la sœur Anne, là, je ne sais pas pourquoi quand elle ouvre son micro, il y a toujours du bruit comme ça. Voilà, le temps que vous vous asseyez confortablement, on revient encore avec cette musique-là. Confortablement, allons-y. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Sens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti à tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur. Je n'ai plus peur de rien quand je suis le tout de tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sang, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. En effet, c'est au pied de la croix de Jésus-Christ que nous trouvons solution à tous nos problèmes. C'est au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons réconfort. C'est au pied du Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons notre vie restaurée. C'est au pied du Seigneur Jésus-Christ que nous déversons nos larmes. C'est au pied du Seigneur Jésus-Christ que nous allons pour les difficultés. Nous déchargeons tout au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Puisse la France dans la sainteté et tous ceux qui nous écoutent ce matin comprendre que c'est au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ que nous avons la victoire en tout ce qui nous concerne et pour tout ce qui nous concernera toujours dans le foyer. C'est au pied de la croix du Seigneur Jésus. Pour les maris qui ont des caractères difficiles, non convertis, c'est au pied de la croix du Seigneur Jésus. Pour ceux qui vivent de l'enfer dans leur emploi, dans leur intimité, c'est au pied de la croix du Seigneur Jésus que se trouve la victoire. La sœur Hélène en sait quelque chose par rapport à cela. La sœur Hélène, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. C'est au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ que se passe la bataille, n'est-ce pas? Amen. Et on ne quittera pas Golgotha les mains vides. On quitte toujours et toujours avec les rétributions lorsqu'on est au pied de la croix de Jésus. La sœur Hélène, est-ce qu'on ne quitte pas le pied, au pied de la croix de Jésus les mains vides, n'est-ce pas? Non, mon frère. Le frère Joseph Kamagate, bonjour et bienvenue. Ça, c'est le couple, alors, le couple de l'année. Le couple Oswald et Sandrine, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les frères et sœurs. La qualité que tu t'es positionné directement avec la caméra, comme ça, sans que c'est grave aujourd'hui. Ah, mon bien-aimé. Que ce soit fait selon le Seigneur. Ouais, amen. Maintenant, vous avez la caméra. Je crois que c'est posé. Maintenant, c'est très bon. Non, le Seigneur nous a fait grâce. On a résolu le problème de micro. Là, le son est vraiment bon de votre côté. Ça suppose que vous pouvez, quand il faudra lire, vous pourrez bien lire. Parce que là, le son est bon de ton côté, vraiment de ton côté. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue à la sœur Sandrine. Dans l'une des émissions, dans l'un des enseignements, j'étais en train de parler, je me souviens, il était couché là, il était en méditer. Parce que chaque fois, il veut réviser tout ce qu'on a dit. Je me souviens avoir dit à la sœur Sandrine qu'après, on devait causer. Après, on n'a pas causé. Exact, exactement. Amen. Puisqu'on a attendu après, on s'est dit que tu étais occupé. Oui, extrêmement occupé. Il y avait beaucoup de gens. Je note déjà ça. Ou bien, celui qui partit Rémi, ce serait bien plutôt de se voir physiquement, pas vrai? Amen. Amen. Le frère Joseph, bonjour. Et quand il y a le bruit de son côté, certainement. Je ne sais pas. Installez-vous confortablement, les princes et les princesses du Seigneur Jésus. Ce matin encore, ouais. Alors, si vous le trouvez, bon, si je suis en train de tourner comme ça dans l'attente que les gens se connectent pour que personne ne rate la partie, quoi. Voilà. On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Bonjour Frère Junior. Hey, c'est qui encore? C'est la Sœur Victoire. Mais la Sœur Victoire est pas. La Sœur Victoire est pas où? Je ne vois pas ça sur mon écran. Alors tu es à Véry Châtillon, tu es avec notre femme. Oui. Où est-ce que tu... Je ne vois plus les gens de Véry Châtillon sur l'écran là. Ils sont cachés en Jésus. Ils sont cachés en Jésus. Vous protégez contre vous protégez contre moi. Je suis votre frère. On est cachés tous là-bas ensemble quoi. Mais moi, je suis au niveau du cœur. Tu es au niveau du cœur. Je suis dans sa pensée. Je suis dans sa pensée. Nous connaissons la pensée de Christ. Et ce matin, nous allons aller dans la Bible pour comprendre la pensée de Christ encore une fois de plus pour nous ce matin, si vous le voulez bien. Amen. Avant cela, y a-t-il des questions? Je crois que la dernière fois, on a coupé à un niveau et il y avait des questions à poser. S'il y a des questions, on répond aux questions en attendant que les autres frères et sœurs se connectent. Si vous le trouvez bien. Amen. Moi j'ai une question, bien aimé. Oui, permets-moi de prendre la feuille pour noter là, frère. Oui, frère Oswald, je t'écoute. Ah, voilà, ma question est de savoir, c'est juste un sentiment. Aujourd'hui, quand on regarde un peu à travers le monde sur le plan de l'évangile, on se rend compte que c'est beaucoup plus le peuple noir, l'Afrique noire qui semble, je dis bien qui semble être plus attentif. Mm-hmm. Et ma question était de savoir, est-ce que spirituellement le réveil viendra par là, parce que je ne comprends pas. Parce que partout, quand on regarde les interventions des pasteurs, que ce soit les pasteurs qui sont encore, entre guillemets, qui n'exercent même pas selon le Seigneur, et même ceux qui exercent selon le Seigneur, quand on voit dans la salle, c'est toujours des noirs, c'est toujours plein de noirs. Est-ce que ça a une signification spirituelle? C'est ça ma question. Bonne question, très bonne question. Enfin, je crois que c'est toi qui as le bruit. Les enfants bavardent, c'est là où les enfants bavardent, ou bien? Merci. Voilà une question à examiner justement à la lumière de la parole de Dieu. Alors la question en réalité c'est pourquoi ça semble-t-il que ce sont les Africains? Parce qu'on voit l'histoire des religions effectivement, ou bien dans le paysage religieux maintenant, on voit effectivement que c'est plus les Africains qui s'y mettent véritablement. On a comme l'impression que les Européens. Mais je pose la question, avez-vous déjà entendu parler de Finney? Charles Finney. Personne n'a jamais entendu parler de Finney. J'ai entendu parler. Personne n'a jamais entendu parler de Finney. Si, frère. On a entendu parler, mais brièvement. Vous avez entendu parler de Martin Luther. Exactement. John Wesley aussi, je crois bien. Voilà, le révolutionnaire. Les noms commencent à venir. Vous avez entendu parler de D.L. Moody? Ouais, j'ai entendu parler de Martin Luther, John Wesley, Charles Finney. Charles Spurgeon. En tant que révolutionnaire. Charles Spurgeon, vous avez entendu parler? Non, du tout, je n'ai pas entendu parler. Hudson Taylor, vous avez entendu parler? Oui. George Mueller, vous avez entendu parler? Oui. William Carey, vous avez entendu parler de lui? Oui. Vous avez entendu parler de David Brennan? David Brennan. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas? C'est le héros qui avait été envoyé au Pont Rouge. Il est né en 1718 à il est décédé dans la période 1718-1747, je crois bien, c'est ma mémoire bonne. Au moins, John Wesley, vous connaissez de son histoire, n'est-ce pas? Ces petits, ils sont arrachés du feu dans sa famille. Vous connaissez l'incendie qui a eu lieu dans sa famille, comment il a été sauvé. Ça, c'est dans les années 1703-1791. Vous connaissez l'histoire de, John Bunyan? Non. C'est le rêveur, on l'appelle le rêveur immortel. Dans les années 1628-1688, vous le connaissez, n'est-ce pas? Non, vous ne connaissez pas l'apôtre. Vous connaissez l'apôtre de la foi, comment il s'appelle encore, ce papa qui cognait les gens là. Je crois que le nom m'échappe, c'est un papa, un anglais là, qui cognait fort sur les gens. L'apôtre de la foi croit seulement. Alors, tous ces personnages que j'ai cités, aucun n'est africain. C'est pour cela que je vais d'abord citer cela pour que vous compreniez. D'abord, aucun d'eux n'est africain d'origine. Ah, et plus récemment, on commence à voir donc ces sursauts d'orgueil. Si vous lisez les écrits de Azusa Street dans les années 1900, aux alentours de 1904, Azusa Street aux États-Unis, vous allez voir, comment il s'appelle encore celui-là aussi, le réveil pentecôtiste qui est venu avec ce noir autodidacte et qui a amené le feu de réveil tout autour après que le père Snatch et autres là ont aient prié. Ils ont porté le réveil partout et qui a amené petit à petit dans différentes églisettes là et amené le feu de réveil partout. Je crois qu'on a un petit souci de connexion là. Vous m'entendez? Ok, c'est bon. On t'entend bien. Voilà. Donc si vous lisez l'histoire donc, de ces différents héros de la foi qu'a connu le temps chrétien, vous avez remarqué que depuis le cas de Martin Luther avec la dislocation de l'Église catholique, au fur et à mesure, avec jusqu'à D.L. Moody, où on a vu effectivement comment il réunissait les gens pour pouvoir prier, et Ettore. Nous avons entendu qu'il parlait de baptême du Saint-Esprit et tous ceux là-dedans qui nous précèdent. Nous voyons effectivement qu'il n'y avait pas d'Africains. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire en réalité que l'Évangile a un parcours tracé par le Seigneur. Là maintenant, je vois le village châtillon, je vois notre bien-aimé, cette victoire là-bas qui a couvert sa tête. Bon, peut-être elle couvre souvent la tête lorsqu'elle est ici maintenant, comme ça, elle dit que notre frère Junior dans chez eux là, il couvre la tête. Oui. Alors, je tente de le dire donc que l'évangile a un parcours. Lisons un peu le livre de Matthieu, je vais vous dire quelque chose. Matthieu. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 24. On y va. C'est parti. Voilà. Regardez le verset 27, 28 et 29. Quelqu'un lit? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera de même de l'enlèvement, de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Oui. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Voilà. Maintenant, la question. Comme le frère Oswald a observé, vous allez voir effectivement qu'il y a un sursaut de réveil, que ce soit sur le plan traditionnel, sur le plan de la révolution politicienne, sur le plan de la des revendications de restauration de l'autonomie du peuple africain. Vous allez voir que ces choses sont en train de se positionner. Dans bien des pays, les gens essaient d'essayer de solidariser des colons, des anciens colons. Par exemple, le cas des peuples africains de la France-Afrique, vous allez voir effectivement que les pays ont commencé ces sujets-là qu'il faut qu'on se retire de France. Enfin, pour ceux qui sont dans la zone franche encore, d'autres ne veulent plus la domination française, d'autres ne veulent plus la domination anglaise, ainsi de suite. Donc il y a ces sujets d'orgueil-là pour pouvoir pousser les gens à quitter ce domaine. Quel est le problème? Et remarquez très attentivement que cette soif, cette quête de la, quoi, de la restauration, mais de réveil, c'est pas sur tous les plans, sans exception. Sur le plan religieux, il n'en est pas de moins. Mais c'est sur ce plan-là que le frère Oswald en a posé la question. Parce que même si vous allez dans les différentes dénominations là-bas, vous allez voir qu'en grande majorité, c'est toujours eux, les peuples africains qui sont là-bas. Et même dans les Antilles, vous allez voir effectivement que, enfin, les Antilles, c'est le peuple noir toujours qu'on nous a dispersé là-bas. Mais regardez bien que dans tous ces personnages que nous avons cités tout à l'heure, que je vous ai noté, de John Mungam, Joseph, John Wesley, tous les autres, D.L. Moody, il n'y a que le père du pentecôtisme moderne connu sous le nom de Joseph William Seymour en 1904, au là-bas qui ont commencé le pentecôtisme. Mais le Seigneur Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 24, verset 27, il dit la lumière part d'où à où? De l'Orient. Donc, j'étais en train de dire donc que l'évangile a un parcours. Souvenez-vous que la Bible, la parole de Dieu est la lumière sur nos sentiers, d'accord? Donc, Dieu a tracé lui-même le parcours de la lumière. Et la lumière est allée. C'est pour ça que l'une des raisons pour laquelle c'était ces gens, c'est pour que vous voyez effectivement qu'ils ont eu des temps de réveil. Mais allez demander à un Anglais, qui est John Wesley, allez demander. Allez regarder les endroits où John Wesley a prêché ses sermons au point où les gens étaient tombés, cloutrés, en pleurant, en sanglotant. Allez demander à Los Angeles, là où Charles Finney a prêché au point où les gens pleuraient, pleurnichaient, où les hangars étaient transformés en lieu de réunion de prière, où les gens se convertissaient. Allez regarder tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Plus froids et plus formalistes que le clou enrouillé. Ils ont eu des temps de visitation. Ils ont eu des temps de visitation. Mais pendant ce temps, quand ils avaient des temps de visitation, qu'en était-il de l'Afrique? Vous voyez que c'est tout à fait normal que les Africains, avant de prendre ces soucis d'orgueil dans le réveil, sur le plan de leur tradition, ils disent qu'avant que les Blancs ne viennent avec cet évangile-là pour nous transformer, pour nous donner leur culture, comme ils appellent que l'évangile de culture des Blancs, ils connaissaient Dieu. Non. La Bible dit que non. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et encore moins les Grecs. Parce qu'on a vu plusieurs fois comment les Grecs eux-mêmes étaient dans l'idolâtrie poussée. Extrêmement religieux, dit l'apôtre Paul, mais Paul leur a annoncé la puissance de la résurrection. Le Dieu qui est venu à la croix et mourut et ressuscité. Ils ne connaissaient pas celui-là parce que le Dieu qui donne la vie. Tout le monde pouvait appeler Dieu dans son patois et dans tous les strates de la société, on pouvait appeler Dieu. Mais celui qui était révélé en Jésus-Christ, on ne le connaissait pas avant l'évangile. Et donc, cet évangile est allé en Orient, ça s'est monté jusqu'en Occident. Mais il est prévu dans les Saintes Écritures, allons-y dans les prophéties. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 19, allons-y là-bas rapidement là. Ésaïe chapitre 19. Que Dieu te bénisse, frère, au revoir pour cela. Je ne sais pas s'il n'y a pas de bruit chez le frère Oswald, lui-même il doit lire. Il s'appelle le frère Pierre, c'est lui qui vient sur son entrée comme ça. C'est ça, quand il vient, il y a des bruits. Vous voyez, quand, vous savez, quand le Seigneur vient souvent, il y a les tonnerres, les bruits, les tonnerres. Donc, c'est lui qui. Ouais. Bonjour le frère Pierre. Shalom. Oui, je suis au chapitre 19, je lis à partir de bien-aimé. Oui, puisque notre bien-aimé frère a fait son entrée, faisons-lui, mettons-le dans le bain. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, mon cher frère Pierre. Donc, ouvre directement Ésaïe 19 et dans le développement, tu vas comprendre pourquoi on y est. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Bon, lisons tout Ésaïe chapitre 19. Il y a un bruit. Voilà. Je ne sais pas si. Bon, comme il y a l'enfant qui est au salon là. Bon. Oui, donc dans ce cas, ferme alors, frère, ferme ton micro. Parce que le bruit, il faut qu'on respecte. Il faut qu'on respecte nos chers auditeurs. Je ne sais pas si le frère. Je vais lire, on peut lire. Je ne sais pas qui d'autre peut lire. Prophétie sur l'Égypte. Voici, Yahweh est monté sur une nuée rapide. Il entre en Égypte et les faux dieux de l'Égypte tremblent devant sa face et le cœur des Égyptiens se fond au milieu d'elle. Et j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et chacun fera la guerre contre son frère, et chacun contre son ami, ville contre ville, et royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et je dissiperai son conseil. Et ils consulteront les faux dieux et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, et un roi cruel dominera sur eux. Amen. Arrêtons d'abord là-bas. Donc vous voyez effectivement que le plan de l'Afrique est bien décrit là-bas. Le Seigneur Jésus, enfin, dans ces prophéties, il dit clairement ce qui devait se passer en Afrique, en disant que les royaumes devaient se lever entre eux. Il va y avoir bagarre au milieu de l'Afrique. Et le plus grave, c'est ce verset 4 où il a dit qu'il va livrer l'Afrique sur la domination d'un maître plus sévère que eux. Donc vous voyez, l'histoire de la colonisation et de la traite négrière que nous avons eue, c'est dans le plan parfait des dieux. Mais les gens entendront comme ça, ils diront que mais pourquoi Dieu fait ces choses? Il est Dieu, c'est parce qu'il est Dieu qui fait cela. Et en réalité, c'est parce qu'au milieu de l'Afrique se trouve ce que les peuples africains appelaient leur Dieu. Ce qu'ils disaient, quand vous entendez que les gens disent par exemple dans notre langue maternelle, ils parlent des si et autres là-bas, qui connaissaient Dieu, c'est pas cela. Ils connaissent les entités que Dieu appelle ici des faux dieux, dans l'autre version on appelle les idoles. Et ce sont ces idoles que les divinités, les gens consultaient. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la traite négrière et des esclaves, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, c'est la sœur Catherine. La sœur Catherine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui. Désolé pour ce retard. Tu n'es pas en retard, tu sais plutôt ton micro, ta vidéo qui n'est pas ouverte. La sœur Achille Nkam, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom, frère Junior, shalom tout le monde. La sœur Elsa, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mon frère. Oui. Shalom. Bonjour, shalom. On ne vous voit pas. Alors, donc, je tente de le dire, donc, pour les Africains, les gens croyaient qu'ils servaient Dieu parce qu'en réalité, comme ils invoquaient des esprits, et vous voyez effectivement comment la Bible décrit ici, ces esprits, ces entités qui se sont présentées à nos aïeux, donner de pouvoir au point où les gens allaient en guerre. Dans le cas de ceux qui ont connu le temps des maquisards, connaissent de quoi il est question. Ils luttaient contre les blancs avec ces pouvoirs-là au point où ils pouvaient disparaître. On tirait sur eux, ça n'entre pas. C'est vrai que ces esprits-là, ils sont encore maintenant dans certains endroits. Et on parle des secrets que les ancêtres sont censés léguer aux Africains. C'est pour ça que vous voyez effectivement que ces choses sont accoutumées. On a été accoutumés à ces choses au point où on a compris que c'était des entités en Afrique, c'était les dieux africains. Et comment Dieu a décidé de les traiter avec eux parce qu'on était enracinés. Dieu a voulu les confondre le peuple africain en les envoyant en esclavage sous cette bannière-là pour pouvoir traiter contre ces idoles-là, pour montrer que celui qui programme les destructions, celui qui programme le destructeur et celui qui programme la restauration. C'est ainsi donc que Dieu a programmé l'histoire de l'Afrique. Vous voyez, depuis le cadre, si on rentre dans le livre de Genèse chapitre 11, avec Noé et au-delà, ce qui devait arriver à Canaan, Cham et puis Mishraïm, tout cela a été programmé. C'est un programme bien déterminé. Mais maintenant, nous sommes au sorti du soir où la lumière ayant parcouru depuis l'Orient va en Occident, est censée fait un décroche, un crochet au niveau de l'Afrique pour retourner en Orient. Nous sommes à la veille de la fin là maintenant. C'est donc pour cela que c'est ce parcours qu'on va suivre là maintenant. Maintenant, j'ai fait un stop ici pour montrer tout simplement comment Dieu avait programmé que l'Afrique devait avoir des problèmes, des antagonismes entre eux, entre les royaumes, et bien plus encore que les blancs, parce qu'il a parlé des maîtres plus sévères, devraient dominer sur elles. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a encore une autre interruption une fois de plus là-bas. Vous avez moi? Je crois que la connexion dérange là une fois de plus. Vous m'entendez là? Je crois que ça le temps peut donner un instant que ça se stabilise là. Oui. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blotti dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom, tu me redonnes la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur savais pas quand tu me parles. Je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Je crois que ça s'est stabilisé maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, frère. Voilà, rebonjour encore à tout le monde. Pour tous ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes dans la France, dans la sainteté. Et le frère Osva a posé la question, pourquoi on a comme l'impression que le réveil dans les églises, c'est le peuple noir, c'est le continent noir qu'on retrouve partout dans toutes ces églises-là qui semblent avoir des relations d'attirance dans la chose religieuse. Du temps de vouloir expliquer que ce n'est pas seulement dans le cadre religieux seulement, c'est un sujet d'orgueil qui s'élève dans tous les domaines. Si vous regardez dans la politique, vous allez voir effectivement comment en Afrique, les gens sont en train de vouloir se disloquer des colons. Enfin, il y a un joug qui est mis sur l'Afrique et les gens veulent s'en défaire. Vous allez, pour ceux qui sont de l'expression française, vous allez voir ces sommets de la France-Afrique où il y a chaque fois maintenant le combat entre leaders. Dès l'entame des mandats de Kadhafi, vous avez vu, à un moment donné, ils ont commencé à parler avec les Sékou Touré, Mohamed VI et tous les autres là-bas, comment il s'appelle, Thomas Sankara. Le but de la création du panafricanisme, c'était le nationalisme africain pour que l'identité propre de l'Afrique revienne sans aucun joug de la part des Blancs comme on suggère. Alors, devrions-nous fonctionner sur la terre avec la domination d'un peuple sur un autre peuple au gré de leurs ressources, en soutenant leurs ressources? Dans certains contextes, non, mais dans le contexte africain principalement, nous voyons effectivement que c'est Dieu. En fait, Dieu dans la Bible, vous allez voir effectivement comment il utilise des rois pour punir des rois qui ne sont pas soumis. C'est le principe de Dieu. Dieu a sa façon de faire, la chicotte de Dieu. Et si vous regardez le drapeau de la Russie, vous allez voir effectivement l'enclume et le marteau. Le marteau avec la fossile. Vous allez voir, c'est bien dessiné. Le marteau avec la fossile. Donc, Dieu va envoyer clairement la Russie pour aller faire la vendange sur la terre. Et donc, nous sommes en train de lire donc dans les prophéties, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, pour ceux qui viennent de nous joindre justement, nous sommes en train de voir donc comment Dieu a destiné l'Afrique au châtiment. Et il faut qu'on comprenne le pourquoi. Dieu ne fait pas le châtiment pour rien. C'est parce qu'initialement, les puissances du ciel qui étaient tombées sur la terre sont entrées en Afrique dans les brousses, expliquaient des techniques, des plans, des techniques de combat, des techniques spirituelles dans le monde des ténèbres à nos aïeux qui étaient là sur place. Et ils utilisaient beaucoup comme ça. Les puissances des ténèbres, croyant qu'ils servaient Dieu, puisqu'il n'y avait pas autre chose, autre relais que Dieu, que les esprits qui leur sont révélés. Par conséquent, nous vivions dans l'idolâtrie, au point maintenant où, pour que Dieu vienne faire son entrée, on a comme impression que c'est une confrontation entre la culture africaine propre et la culture des Blancs. Or, la Bible nous présente que l'Évangile a quitté l'Orient, parce que Jésus dit que le salut vient des Juifs. L'Évangile a quitté l'Orient, a fait un parcours jusqu'en Occident. Maintenant, l'Évangile a fait un crochet pour revenir là-bas en Occident. Souvenez-vous, quand le soleil se lève, ça doit se recoucher. Maintenant, lorsque la lumière part de l'Occident, de l'Orient, ça va jusqu'à l'Occident, puis ça va revenir encore, on va encore voir un nouveau jour de l'autre côté. Pour que le Seigneur se révèle encore chez le Messie, revient chez les Juifs de l'autre côté, l'Évangile doit retourner chez les Juifs pour les préparer. Et donc, pourquoi dans les Africains maintenant, c'est l'heure de l'Afrique. C'est l'heure du peuple noir, pas seulement de l'Afrique. Parce que remarquez très attentivement que ce soit aux Antilles, que ce soit en Martinique et autres là-bas, ce sera le même sursaut. Que ce soit sur n'importe quel continent où se trouve le peuple noir, ce sera le même sursaut. Vous avez comme impression que lorsque vous parlez de Dieu aux gens à la peau blanche, des rejets, des souches blanches, ça ne leur fait absolument rien. Ils ont comme impression que les Africains sont tellement émotionnels qu'ils se livrent à l'émotion et eux, ils ont du mal à comprendre. C'est Dieu faisant. C'est Dieu faisant. Donc, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 19, que nous avons lu à partir du verset 4, nous voyons effectivement que Dieu a dit qu'il va soumettre l'Égyptien sous un maître qui sera cruel, non seulement cruel, mais qui va dominer sur lui. Voilà la prophétie qui est donnée. Continuons maintenant, ma soeur. Les eaux de la mer tariront, le fleuve séchera et tarira. Et on fera détourner les fleuves, les ruisseaux Les digues s'abaisseront et sécheront. Les roseaux et les joncs seront coupés. Les prairies qui sont près des ruisseaux et qui et sur l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été semé le long des ruisseaux séchera, sera jeté au loin et ne sera plus. Et les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve mèneront deuil. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux languiront. Ceux qui travaillent le lin payé et ceux qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les fondements du pays seront rompus et tous ceux qui font des écluses, des viviers auront l'âme attristée. Certes, les chefs de Tuan ne sont que des fous. Les sages d'entre les conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, « Je suis fils des sages, fils des anciens rois » Où sont-ils maintenant? Où sont tes sages qu'ils t'annoncent, je te prie, s'ils le savent, ce que Yahweh des armées a décrété contre l'Égypte? Les chefs de Tuan sont devenus insensés. Les chefs de Noab se sont trompés. Les chefs des tribus font égarer l'Égypte. Yahweh a versé au milieu d'elles un esprit de vertige pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans toutes leurs actions. Vous entendez ça? Attendez. Vous entendez ce que la Bible déclare? Donc c'est un esprit de vertige. Vous voyez effectivement qu'un peuple peut dire qu'ils sont dans le développement. C'est pour cela que l'aspect économique et politique de ces choses, de ces réveils, c'est dangereux. Vous remarquez que quand vous entendez que on dit que l'Afrique est en voie de développement, ou bien dans un pays en déclin, en voie de développement, on parle de développement en imitation aux pays occidentaux que vous avez aujourd'hui. Lorsque chaque pays africain veut parler de développement, c'est que leur développement est sur le plan structurel, sur le plan économique. La marge, ou mieux encore, l'imitation, c'est les pays occidentaux. C'est là le modèle qu'ils prennent. Or, ils ne comprennent pas qu'en réalité, il y a des esprits derrière les développements économiques. Il y a des esprits derrière la démocratie. Il y a des esprits derrière les gouvernements tels que vous voyez. Remarquez, par exemple, si vous allez à Los Angeles, vous allez à Santa Barbara, ou bien vous allez dans une grande ville comme Paris, le développement fait état, effectivement, vient avec ces panoplies de péchés, ces esprits qui y habitent. Donc, lorsque l'Afrique dit qu'on veut incorporer la démocratie, il est temps qu'on ait la démocratie telle qu'à la manière européenne, telle qu'à la manière occidentale, et qu'on veut le développement tel qu'on a, parce que nous n'avons pas de route, et ainsi de suite, il faut qu'on comprenne que derrière cela, on va hériter des mêmes esprits qui ont œuvré là-bas. Maintenant, Dieu dit ici qu'il a versé un esprit de vertige en Égypte pour qu'on chancelle. Donc, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a programmé de tel à ce qu'il s'est déjecté comme cela. Mais souvenons-nous, ça c'est longtemps avant que Isaïe ait écrit ceci. Nous sommes ici à la sortie. C'est parce que je vous ai amené ça pour que vous voyez le programme de Dieu sur l'Afrique. Puis maintenant, on va aller maintenant voir comment Dieu a programmé la sortie avec l'Égypte. Continuons. Yahweh a versé au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans toutes leurs actions comme un homme ivre vautre dans son vomissement. Et l'Égypte n'aura pas d'œuvre que puisse faire la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. C'est terrible. C'est terrible. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle sera étonnée et épouvantée à cause de la main de Yahweh des armées, car il élèvera la main contre elle. Et la terre de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Quiconque fera mention d'elle, en sera épouvanté en lui-même à cause du conseil décrété contre elle par Yahweh des armées. Arrêtons de la bombe avant qu'on va finir au verset 18 et suivant là. Mais là, je pose la question. Toute la séduction que l'Égypte, que l'Afrique avait avec ses princes, on parle de l'histoire de Martin Paul Samba, qui avait des mouchoirs qui agitaient au point où si vous tirez sur lui, ça ne pouvait pas entrer. Je pose la question. il y avait l'histoire de, comment ça s'appelle, Douala Mangabel, ainsi de suite, tous ces gens-là, ces héros africains, ces nationalistes, les Mpondol Oumniobel, de ce côté-ci, tous ces gens qui, avec ces magies-là, pourquoi n'ont-ils pas vaincu les Blancs? Vous avez déjà posé la question? Que ce soit les Sékou Touré de l'autre côté là-bas, Kwame Nkrumah, qui utilisaient toutes ces choses-là, ils utilisaient tous la magie africaine pour la protection pour les Africains. Je pose la question, malgré toutes ces choses-là, pourquoi n'ont-ils pas pu vaincre les Blancs qui sont venus tout simplement avec les armes et avec leurs bouches? On devrait poser la question, pas vrai? Parce que Dieu avait fermé les Africains. Oui, quelqu'un veut parler là? Oui, frère, justement, parce qu'on ne peut pas combattre Satan avec ses armes. Voilà. Maintenant, oui, effectivement, que Dieu dit ici, mais Dieu dit que c'est lui qui a agité le nom, la main. C'est lui qui a agité la main au milieu de, parce qu'ils avaient la protection. Ils se croyaient avec la protection. Les Honest Wanje et autres là-bas, et tous, si vous suivez les témoignages de tous ces gens-là, ils pouvaient entrer dans les champs et on les poursuive. Ils deviennent un café, ils deviennent un arbre. Ils disparaissent. Ou bien qu'ils soient là, vous les cherchez, vous ne les voyez pas. Mais tôt ou tard, on les captivait toujours. On les capturait toujours et on les fusillait. On coupait la tête. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait décrété que les vertiges vont les prendre au point où leurs esprits seront tournés contre eux. Vous voyez, mais ce n'est pas pour dire que les Blancs qui venaient pour les combattre étaient en règle avec Dieu. Parce que c'est la façon de Dieu de faire. Vous allez voir effectivement comment Dieu va utiliser, si vous lisez le chapitre 20, la première partie du chapitre 20, vous allez voir quand Esaïe, le prophète Esaïe va marcher nu, il va dire que ainsi va marcher les Égyptiens nus. Ils vont aller honteux. Quand Dieu va faire ça, il va agiter, il va utiliser l'Assyrie pour les frapper. Et c'est même Assyrie, c'est que vous allez voir effectivement dans le livre de Michée, que Dieu dit que quand l'Assyrien va entrer dans son pays, dans le plus beau de pays, dans son pays, le pays d'Emmanuel, Dieu va le traiter parce que l'Assyrien a frappé son pays, non avec dédain. Il n'a pas frappé son pays avec pitié quand Dieu était fâché contre son pays. Pourtant, c'est Dieu qui a utilisé cet Assyrien-là pour frapper son propre pays. Donc, c'est Dieu faisant dans les nations. C'est Dieu qui a tout préordonné. Continuons, ma soeur. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par Yahweh des armées. L'une sera appelée ville de la destruction. Arrêtons là-bas. Mettez un petit astérisque là-bas et puis vous faites la recherche pour savoir de quelle ville on parle ici. Parce qu'on a bien dit clairement comment elle devait s'appeler. Et ville de la destruction, c'est la définition. Si vous prenez le nom de cette ville-là, vous prenez le nom de ce pays-là, ça sera le pays de la destruction. C'est-à-dire que si vous prenez le nom du pays, vous allez voir que le pays signifie la destruction. Alors maintenant, je vous donne seulement les ouvertures pour la recherche. Continuons. En ce jour-là, il y aura un hôtel à Yahweh au milieu du pays d'Égypte. Stoppons encore là-bas. Non, doucement, ne courez pas, c'est les prophéties. Vous ne voulez pas qu'on explique, ma soeur? Si. Voilà. Alors, maintenant, vérifiez avec le verset 19, on dit qu'on a un hôtel. L'hôtel, c'est le point de rencontre, le point de communication. Qui parle là maintenant? Est-ce qu'on est caché? On parle. Quelqu'un avait dit qu'on était caché en Christ là. Qui parlait? Un peu de l'ordre là. Les enfants faisaient un peu de bruit au couloir. Oui, ça c'est vraiment. Il fallait mettre de l'ordre comme ça. Il faut souvent les gifler de temps en temps pour que ça aille la folie là-dedans, n'est-ce pas? Alors, je tente de dire que dans ce verset 19, la Bible déclare en ce même temps, il y aura un hôtel à l'Éternel. L'hôtel. Regardez bien, très attentivement, il faut que vous gardiez à l'esprit en ce temps-là. Quand la Bible utilise ce langage, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est au moment où il y aura la traite négrière, où il y aura la domination des Blancs sur les Noirs, ainsi de suite, qu'il y aura la captivité, que ces choses vont se réaliser. Quand le prophète en train de prophétiser en ce temps-là, il a dit dans la suite des temps, après les événements, telle chose se déroulera. Ça ne veut pas dire que c'est simultanément quand ça va se résoudre. Maintenant, ici il dit, en ce temps-là, il y aura un hôtel. Et j'ai dit l'hôtel par définition dans la Bible, l'hôtel c'est le lieu de rencontre, un pont entre le physique et l'invisible, un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre le visible et l'invisible, le point de rencontre entre une divinité et les hommes, le point où il y a l'échange, où il y a inter-échange entre l'adoration des individus et l'adoré qui est l'esprit. Et ici, je parle de l'hôtel, mais il dit le lieu où ça doit se retrouver. C'est en quel lieu, frère? Vous ne voulez pas répondre. Au milieu du pays d'Égypte. Donc vous soulignez milieu du pays. Quand vous allez regarder le milieu du pays d'Égypte, vous allez regarder de quoi il est question. Puis il dit, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Vous soulignez monument. qui est dressé. Je me sens vraiment bien là maintenant. Je me sens vraiment bien. Vraiment bien. En voyant ces choses se dresser devant nous, que nous, le peuple du Seigneur, nous sommes en plein dans la réalisation de ces prophéties. Des choses terribles sont en train d'amener, d'arriver sur notre pays et sur l'Afrique. Vous voyez que ça sera sporadique. Mais là où l'eau va se déverser, c'est au milieu. Maintenant, la sœur continue verset 20 jusqu'au 21, jusqu'au dernier maintenant. Et ce sera un signe et un témoignage pour Yahweh des armées dans le pays d'Égypte, car ils crieront à Yahweh à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur, quelqu'un de grand, et il les délivrera. Stoppons là-bas. Donc nous voyons qu'il y a un Messie, pas le Messie, un Messie qui est censé venir pour l'Afrique, n'est-ce pas? Amen. Mais quelle est son identité? Il ne s'agit pas de deuxième né ici, que non. Il ne s'agit pas de Kakou, Philippe et de ses panoplies. Il ne s'agit pas d'eux. Parce que la Bible déclare ici qu'il y a un cri du peuple africain. Et il y aura la visitation de Dieu. La Bible déclare, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Il y a deux choses qui ont été dites pour vous dire que ce sera un signe. Il y a l'autel et il y a le monument qui sera dressé à la frontière. Ha! Ah mon Dieu! Est-ce que c'est le moment de parler de ces choses? Attendez, c'est le moment, on arrive. Doucement, avançons. C'est le moment, frère. Comment c'est que c'est le moment? Est-ce que c'était le moment, c'était le moment de bouffer mon sanglier avec la soeur Paul Gertrude? Non, non, ton sanglier est là. Ton sanglier m'a dit qu'il était encore dans la bouche. On l'a attrapé. On l'a attrapé. Comment c'est que tu as déjà? Donc, on l'a déjà dit, t'inquiète. Oui. Je ne sais pas si le frère Osman est encore là. Le frère Osman, il est là. Parce qu'il ne le voit pas sur mon écran. Parce qu'il veut dire quelque chose là maintenant. Il est là. Voilà. Non, il est là. Tu m'as dit quelque part. Je voilà. Suis là. Ok. Maintenant, regardons le verset 20, la partie c'est dit. Dans le, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Donc, on voit effectivement qu'à un moment donné, les Africains ne parlaient même pas du fait qu'on dominait sur eux. Mais subitement, vous voyez un cri qui s'élève dans tout part, comme je vous ai dit dès le départ. On est fatigué des blancs. Vous voyez, des politologues sortent et disent qu'il faut qu'on sorte du franc CFA. C'est le jour que c'est l'esclavage. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a vu que c'est l'esclavage? Vous voyez, en 2015, j'avais parlé, j'ai dit que j'ai vu un style de monnaie en Afrique. Et cette monnaie-ci, l'équivalent de cette monnaie de maintenant était, équivalait beaucoup de notre argent de maintenant. Ça, c'est en 2015. En août 2015, j'ai vu cela. Mais ça arrive. Donc, vous voyez effectivement que ces cris qui arrivent, où les gens se lèvent de part ou d'autre sur les plateaux de télévision, ils ne savent pas que même les politiciens sont dans les prophéties bibliques. Ils ne savent pas tout simplement. La Bible déclare qu'ils crieront à cause de l'oppresseur. Mais là, cet oppresseur, d'où vient-il? C'est ce dont on a parlé au verset 4, là, verset 3 et 4, là-bas, où Dieu a dit qu'il va livrer l'Égyptien entre les mains des oppresseurs et des dominateurs qui vont censés dominer sur lui. Donc, à un moment donné, donc, c'est eux qui vont encore crier à Dieu, comme, souvenez-vous de cela, ce n'est pas la façon africaine seulement. Ce n'est pas seulement à l'Afrique que Dieu a fait ceci. Si vous lisez Genèse chapitre 15, Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seront esclaves dans un pays. Ils seront esclaves, n'est-ce pas? Et puis Dieu, c'est Dieu qui va faire des telles enseignes qu'ils vont sortir. Mais longtemps après, c'est Dieu qui va les amener là-bas par la famine. Souvenez-vous, Joseph avait dit dans Genèse chapitre 50 que Dieu les a envoyés comme ça, a envoyé devant les Juifs pour sauver le monde de la famine. Mais malgré qu'il ait sauvé le monde de la famine par l'envoi de Joseph, plus tard ils vont demeurer là-bas, ils vont croire qu'ils sont chez eux, mais ils ne sont pas chez eux. C'est-à-dire que le plan de Dieu a accompli parce qu'il a dit que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteint à son comble. Quand ils vont être dans son comble maintenant de l'iniquité, Dieu va susciter maintenant un roi qui va dominer sur eux. Souvenez-vous, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc, et l'oppressé, c'est Dieu qui suscite. Et les oppressés, c'est Dieu qui suscite pour un but précis, pour qu'on sache qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est Tout-Puissant. Amen. On avance. Donc ici, on voit effectivement comment Dieu dit effectivement qu'il va répandre son esprit. Les gens vont commencer à soupirer, ils vont crier à l'oppression, qu'il faut que l'oppression se lève. Mais maintenant, la façon dont regardez par exemple le cas du Cameroun. Voici un exemple simple pour que vous compreniez. Je ne parle pas de l'aspect de réveil qui va venir par exemple pour le pays, parce que c'est le paysage politique qui est en train de se présenter en vue là, c'est pour le réveil. Donc c'est pour ça que nous parlons de ces choses-ci. Regardez maintenant, vous voyez effectivement que En tous les lieux que ce soit même dans le parti au pouvoir, il y a un cri de changement. Bien que certaines personnes le disent tout bas, mais d'autres essaient de lever le gant pour pouvoir parler qu'il faut le changement. pourquoi de façon spécifique ces moments-ci c'est différent par rapport à d'autres moments? Parce qu'en fait, il y a un changement qui a laissé présager. Vous voyez, lorsque Élie devait être amené au ciel, même les gens qui n'étaient pas proches de lui, ils savaient qu'il devait être amené au ciel. Mais de comment, à quel moment, on ne savait pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Donc même au milieu de la politique, on sait qu'il doit avoir un changement. On sait qu'il doit avoir un changement. Parce que c'est Dieu qui met cela dans le cœur comme cela. Maintenant, quand il met cela dans le cœur, hein, les gens l'aspirent et soupirent de différentes façons. Après avoir mis cela au cœur, il met maintenant la direction dans le cœur de ses serviteurs et de ses enfants pour qu'ils savent en quoi se préparer. N'est-ce pas si vous comprenez? Très bien, frère. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Le changement qui doit s'opérer au Cameroun, c'est plus sur le plan spirituel, c'est pour le réveil. Le changement qui a laissé pour vouloir s'opérer en Afrique, c'est pour le grand réveil qui va amener de façon sporadique afin que l'évangile puisse pousser et réveiller certaines personnes. C'est pour cela que les gens qui sont en Europe, qui essaient de croire, vous voyez, les Africains vont en Europe, ils essaient d'épouser la pensée européenne au point où ils disent non, ils croient effectivement que c'est la vie européenne qui est grande. Maintenant, souvenez-vous de cela, si vous regardez très attentivement la vie qu'on vous offre en Europe, vous allez voir effectivement que cette vie-là, cette facilité qu'on vous offre, ont pour but ultime de briser la loi de Dieu et la vie de Dieu en vous. Vous devez savoir cela. Pour ceux de la femme, pour ceux qui sont de l'expression, enfin, les conditions de la femme, observez seulement les lois à vous octroyer. Et pour la femme et pour les enfants, vous allez voir effectivement que c'est pour briser l'autorité parentale, disloquer la famille. En tout cas, quand vous allez voir ces choses, vous avez comme impression qu'on vous donne l'aisance de vivre. L'homme ne vous dira plus rien. Si tante ne fait n'importe quoi dans vos vies, vous pouvez divorcer comme vous voulez. Mais vous rentrez dans la loi de Dieu, vous voyez que le mariage est sacré. L'autorité du père sur la femme et sur les enfants, c'est sacré devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a bafoué ces choses-là. Mais on vous donne l'aisance de vivre, vous avez comme impression que c'est cela. Voilà ce que l'Europe a fait en votant des lois qui sont contre la loi de Dieu. Voici pourquoi le Saint-Esprit s'est retiré. Mais maintenant, de l'autre côté, maintenant, si vous allez en Afrique, vous allez voir effectivement que ces petites lois-là, de façon subtile, sont en train d'être communiquées aux gouvernants africains pour qu'ils préparent déjà à accepter. Alors, voici le frère Yannick qui fait son entrée ici. Je crois que c'est lui qui va enseigner maintenant. Frère Yannick, viens prendre ma place. Voilà. Viens dire bonjour au frère là. Yannick, tu vas pas là-bas. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bonjour. Tu vas pas là-bas. Quelque chose. Tu vas partir à la souci pour le quoi, mon frère. Voilà, l'eau de vie. Alors, il va récupérer une chaise, d'abord il va s'asseoir avec moi ici. Alors, je tente de dire, donc, remarquez très attentivement que toutes ces sources-là, toutes ces... Il y a du bruit chez la soeur Anne, c'est la soeur Anne, son micro n'est pas coupé. Et la soeur Elsa n'est pas en train de nous écouter, depuis elle reçoit un appel, elle ne sait pas pourquoi son truc est en pause, en de recevoir l'appel du pays. Mais de toute façon, comprenez tout simplement que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que la loi de Dieu... confronté à la loi humaine, si vous prenez la position pour la loi des hommes, vous allez jouir des petites jouissances temporelles. Mais l'homme sage devrait prendre position dans la loi de Dieu, étant subtil, étant sage, comme le Seigneur Jésus a dit. Souvenez-vous du livre de Luc au chapitre 16, verset 9, où le Seigneur a dit que faites-vous des amis avec les richesses incertaines de cette époque-ci. La sœur Anne, coupe ton micro. Je ne sais pas, la nouvelle technologie. C'est désagréable. La sœur Anne, si tu nous entends, si tu as du mal à couper, éteins directement ton téléphone et redémarre, ça va aller. Parce que souvent les écrans là plantent et c'est pas évident de toucher les écrans tactiles. Donc si tu nous entends, ça ne va pas. La sœur Anne, c'est pas bon. Vous ne nous entendez pas? Vous entendez maintenant? On entend faire un bruit. Avec ce bruit-là en fond sonore, c'est pas évident. C'est désagréable. Voilà, je crois que ce sera comme ça là. Elle va rejoindre lorsque ça lui sera possible de rejoindre. Donc, quand vous aurez n'importe quelle question désormais, vous posez au frère Yannick qui se trouve ici. Alors, donc, voilà, il est là positionné, vous le voyez. Alors, je tente de le dire, d'après les prophéties que nous voyons ici dans ce livre d'Ésaïe chapitre 19, donc vous voyez effectivement que Dieu dit que les Africains vont crier contre l'oppresseur. Et donc, j'étais en train d'expliquer donc ces cris-là. Vous remarquez que la façon dont l'église crie, nous crions. Et quoi qu'elle est revenue maintenant, j'espère que ça va aller maintenant. Nous crions pour que le Seigneur déverse son esprit, pour qu'on fasse cette adoration-là entre l'Égypte, la Syrie, et que cette réconciliation ait avoir plus, pour que le peuple de Dieu soit uni, prêt pour l'enlèvement, comme on va voir tout à l'heure là. Mais de l'autre côté, il y a la restauration politique, c'est-à-dire que l'état des droits. Tout à l'heure, vous avez vu effectivement qu'on a dit que les cadeaux des Égyptiens vont, les courants d'eau vont s'assécher. Ça se peut effectivement que les richesses africaines devraient être spoliées. Il y a beaucoup de bien-être de l'Afrique qui ne devaient pas en profiter. Et là maintenant, le réveil doit avoir lieu là, où la restauration doit avoir lieu sur le plan du bien-être africain, au point où les Africains vont commencer à jouir de leur sous-sol, des gaz et autres là. Lorsqu'on parle des cours d'eau, des canaux africains, des canaux d'Égypte qui vont s'assécher, oh, là-bas, les pêcheurs vont pêcher, ils ne vont pas avoir de trucs, ils vont crier ainsi de suite. Donc on parle des de bien-être africains, des sous-sols et des mines qui vont être dépouillés par les Occidentaux. Donc maintenant, là, il va y avoir la restauration là-bas. Maintenant, quelle est l'implication même de cette restauration sur le plan européen? Vous, maintenant, par exemple, pour le cas de la France qui dépend à 95% des bien-être africains, quand Dieu va agiter la main sur la France et sur les Européens maintenant pour dire vous allez laisser le peuple africain tranquille avec leurs biens, comment vous allez faire pour vous en sortir là-bas? Le bien-être sera ça. On va rentrer. Ne venez pas ici, On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous ici. Le frère Yannick est déjà rentré. Oui, il est déjà rentré. Tranquille. Il rentre en douce. Ok, dis-lui que s'il veut montrer vraiment qu'il est ce qui me donne son passeport, il conserve. Quand vous ne voulez pas de nous là-bas, on ne vous donne plus le visa. Ok. D'abord, hein? Là, on vous donne le visa. On va venir par nous. Ceux qui sont passés par le désert du Sahara sont allés par le visa. Donc, ouais, effectivement, que même ces flux, les flux migratoires. Température désert, frère. Il n'y a pas de température. Ces flux migratoires que vous voyez, cette haine-là, aller dans le continent européen, aller s'en sortir là-bas, c'est dans les prophéties bibliques que ça se trouve. Dans les prophéties bibliques maintenant, mes chers amis, c'est prévu que vous retournez en charter. C'est écrit dans la Bible que vous devez rentrer dans les avions. Les avions vont vous transporter pour vous faire rentrer en groupe. C'est prévu dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Amen. Vous qui êtes là, vous devez rentrer, que vous voulez ou pas. Vous voyez cela? Vous avez vu comment Dieu a fait avec les Juifs au point où il a dit, je dirais à l'Égypte donne, je dirais à l'Occident donne, ils viendront. Ça, c'est écrit également pour l'Égypte comme ça. Donc les Africains vont rentrer chez eux en charter. Vous allez rentrer. Amen. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de vous ici. Donc laissez-nous partir chez nous. Non, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il est question de décrypter les prophéties bibliques et son implication sur nos vies maintenant. C'est à quoi nous devons nous préparer. Okay. Alors la Bible déclare donc que durant ce moment, c'est au verset 19, encore une fois de plus, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Verset 20, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Donc, effectivement, que les cris des Égyptiens montent. Et remarquez très attentivement que la délivrance, comme je parlais pour le cas du Cameroun, lorsqu'on crie au changement, ce n'est pas seulement maintenant que les Camerounais souffrent, ils souffrent depuis. Au fur et à mesure, le climat ne fait que monter. Les difficultés ne font que monter. Ils crient. Le changement doit être opéré uniquement au temps du Seigneur. Mais les signes qui présagent pour montrer qu'il y a un changement sont là. Les lampions sont là. Tout est allumé pour montrer qu'il y a un changement. Mais ce sera à l'époque du Seigneur. Vous voyez, quand les Juifs étaient en Égypte, quand ils criaient à l'Éternel, ils criaient, Dieu faisait comme s'ils n'entendaient pas. Les Égyptiens étaient. Mais quand Moïse s'est présenté en première fois, on a dit, la Bible déclare qu'ils pensaient que c'est pas lui que les gens comprenaient que c'est pas lui que Dieu devait délivrer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Moïse. Moïse va dans le désert. Il a fallu encore 80 ans pour que Moïse rentre encore en Égypte pour pouvoir les délivrer. N'est-ce pas, frère? C'est ça, frère. Pourtant, Moïse était au milieu d'eux. Remarquez très certainement que lors de la délivrance de l'Égyptien, il y avait Moïse là-bas avec l'Esprit de Dieu pour les délivrer. Et ici, Dieu dit clairement que Dieu va envoyer un sauveur pour les délivrer contre les oppresseurs. On continue. Mais... On continue, frère, ça va le bout. Regardez encore, verset 20, ce sera pour l'Éternel des armées dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Amen. Souvenez-vous que ce n'est pas le Zoulou là dont il est question. Amen. Souvenez-vous que ce n'est pas lui. Ça n'a rien à voir avec Zoulou là sans. Même s'il peut dire n'importe quoi, qu'il connaît tout et quoi que n'importe quoi, oubliez-le. Amen. Amen. Le frère Yannick, vous pouvez poser la question au frère Pouépier, moi. Pose-lui la question. Il demande, pose-lui la question alors. Zoro, en fait, tu as parlé d'un Zoro, je sais pas. C'est pas Zoro. Mais Zoro. C'est qui? Zoro, c'est un prédicateur de la parole. De quelle parole? De sa parole à lui. Est-ce qu'il prédit la parole de notre Dieu? Enfin, il imite un peu, mais c'est pas ça. Non, c'est un faux. Vous avez peur de parler, c'est ça? Non, pourquoi avoir peur, frère? C'est un faux, non? Parce qu'on dit que quand on dit que quelqu'un imite la parole de notre Dieu, ça veut dire que c'est un faux. C'est ici, nous avons parlé d'un certain quelqu'un qui parlait de Yaoundé comme Judas. C'était ici? Non. Je crois que nous allons prendre une pause et vous allez voir quoi est la question là maintenant, d'accord? Amen. Gardez-vous. Gardez-vous. Il n'a pas touché mes coques. Je ne comprends pas quoi c'est. Frère Junior. Oui. Frère, il n'a pas touché mes coques. Je vais toucher tout. En tout cas, tu es prévenu. C'est que ton sanglier va disparaître ici dans le congélateur. Oh là là. Alors, nous allons voir maintenant, je veux que vous écoutiez cet extrait si on va y revenir, parce que nous parlons de ces rêves en Afrique là. Donc, vous êtes prêts? Le frère Pierre, ton micro est ouvert et ça fait du bruit. Donc, maintenant, ça veut dire que ce qui va arriver là tout à l'heure. Alors, on y va. Pardonnez la lenteur de la machine, c'est fait maison. Pour que vous lisez ce qui est écrit. Je crois qu'il va falloir que je vienne depuis le début, vous voyez ce qui est écrit. J'espère que vous avez vu. Vous voyez ce qui est écrit, n'est-ce pas? Je crois que le frère Yannick peut vous lire cela. La mission de Christ est de libérer les Noirs. Mon frère Yannick. Ici est une forêt sacrée, l'initiation à la science ancestrale bantoue. Voilà. Je suis votre frère, donc il est allé là. Aujourd'hui, je me retrouve à Yaoundé. Vous n'entendez pas le son? Non, on n'entend pas. Ok, permettez-moi, on va résoudre ça maintenant. Il faut que vous entendiez effectivement ce qu'il dit. Donc, ok, ça va venir maintenant. Vous me dites, Mendas, vous entendez? Vous entendez? Vous entendez maintenant? Nous complémentarisons et d'arriver à, okay, à l'accomplissement. Okay. Les choses sortent aujourd'hui dans les profondeurs de Chiang. Écoutez. Et mon Motara, fils et fille de Tara, je suis votre frère. Donc, il y a Tamil. Aujourd'hui, je me retrouve à Yehoud, Chiang, Yaoundé et Juga. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Et on a compris, frère. Qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a Yaoundé, Yaoundé, Judas, non, c'est Judas. C'est-à-dire quoi? Trahison. Oui. Trahison. Vous êtes sûr? Judas, c'est la trahison, non? Ça veut dire que vous avez entendu, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Qui a compris? Oui. Remets un peu, frère. On va remettre même 5 fois, il n'y a pas de problème. Merci. Aujourd'hui, je me retrouve à Yehoud. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle la capitale du Cameroun? Non, non. Quel est le but pour lequel il prononce de cette façon? C'est pour, en fait, pour donner la vraie expression. Donc, en fait, je te veux dire comment on appelait ça avant. Oui. Dans l'expression des ancêtres. Bon, en tout cas, de toute façon, vous allez comprendre. Allons-y, suivons-le. Yaoundé, Juda, la capitale spirituelle. Vous avez entendu? Oui, on a compris maintenant. Il peut faire parler de la capitale de Dieu. Oui, et donc, il appelle Yaoundé quoi? Il appelle Yaoundé la Juda, non, Jérusalem. Il me dit pourquoi que Juda? Voilà. Donc, dans la suite, si le Seigneur le permet, nous allons mettre un autre, celui que vous appelez Zola, comment sur une radio ici. Il a dit que justement, Christ est né à Yaoundé. Il était à Yaoundé. Il va vous mettre, vous allez l'entendre de 10 là. Alors, continuons, suivons ici. De la race Bantou. Je suis venu voir comment les choses se passent ici et c'est plutôt bien. Et là, j'ai eu une agréable rencontre aujourd'hui que j'ai faite. Je suis avec. Une personne aussi agréable que vous, bien sûr, et délicieux aujourd'hui à les profondeurs de Judas. Il s'agit donc du frère. Donc il a pu déchirer, c'est clairement dit donc maintenant qu'il a déchiré celui-ci dans les profondeurs de Judas. Et Judas, donc, c'est Yaoundé. C'est pour ça qu'il essaie de prononcer Yaoundé, Yehoudé, Yehoudi, pour le rapprocher à Judas, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais Yaoundé, c'est le nom moderne de cette capitale-là. On appelait ça Angola. Comment on peut faire que Angola se prononce Judas? Comment? Continuons. Oui, fille de Nubis. Alors, il prie. Shalom. Comment ça va, mon frère? Voilà. Donc, le frère Wilfried m'accueille sur la Terre Sainte. Et... Vous avez entendu? Oui, la Terre Sainte. La simple réflexion sur les anciens vestiges de l'histoire biblique devrait pousser ces gens-ci à réfléchir. Ils parlent de la falsification. Pour ceux qui suivent ces différents groupes-ci, ils parlent de... Beaucoup viennent sur YouTube et parlent de la vraie race, les vrais juifs sont les noirs, que les juifs modernes ne sont pas les juifs, Jérusalem et Israël n'est pas l'Israël dont on connaît maintenant. Mais ils présentent des cartes en disant qu'on a falsifié l'histoire des peuples bantous, que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des peuples noirs. Mais personne, ils ne veulent pas montrer les anciens vestiges, prouver archéologiquement, ainsi de suite, que le site, par exemple, ils viennent de citer que Juda est la capitale de l'Empire, du roi David, c'est ce qu'il vous l'a dit, c'est la capitale spirituelle. Ils ne montrent, enfin, du moins scientifiquement, aucune preuve que cela ait existé. Mais la science prouve pêle-mêle les anciennes visitations, les sites archéologiques, avec des preuves à l'appui, avec l'histoire. D'autres encore... Le patron, le premier foulard qui est de deuxième né, dit que la première langue c'était la langue Sawa parce que Adam c'était pas son nom, Abraham n'était pas son nom, c'était un Sawa parce qu'il habitait dans le littoral, parce que le littoral Adam était un Sawa, donc la première langue c'était pas la langue hébraïque, c'était la langue Douala, et c'est pour ça qu'il a appelé les autres et son mère, appelé l'apôtre Paul ou c'est comme Mutawa ou c'est qui là, écoutez seulement. Donc je vais donc lui faire la parole afin qu'il puisse passer quelques mots. Voilà. Déjà, je remercie Frère Dokira pour être venu, pour tout a commencé. Donc celui-ci dit qu'il est venu, parce que celui-ci, Dokira Tamela, vient du Gabon pour visiter celui-ci à la Terre Promise. Donc, il est venu à la Terre Sainte pour voir celui-ci qui s'appelle Wilfried Nubisi, Vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur voilà le titre qui est tongué là-bas. Et celui-ci lui dit qu'il est venu là où tout a commencé. Donc tout a commencé à Yaoundé, à Yaoundé, Juda. Donc exactement, on a de nous mettre clairement que le Cameroun. Mais je vous mets ceci exprès. Parce qu'en réalité, il y a un réveil terrible qui va arriver au Cameroun. Donc ouais, effectivement, même le diable connaît exactement là où il se trouve. Quand il a parlé, quand il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 12, là, chapitre 14, que tu dirais en ton cœur, je monterai à l'extrémité du septentrion. Il connaissait ce qui s'est passé à l'extrémité du septentrion. Il connaissait comment les étoiles des dieux doivent être positionnées. Pourquoi ils ne peuvent pas dominer sur eux. Il connaît l'histoire du réveil. Il connaît exactement là où ça doit parcourir. Ouais, donc, pendant qu'on a préparé le réveil du Seigneur, vous voyez effectivement qu'il y a des groupes à l'intérieur qui préparent le même réveil. Vous voyez ça, frère? Voilà ce qu'il en est. Donc, quand ce réveil va avoir lieu, boum, il y aura un réveil spirituel que Satan va aussi occasionner pour confondre les esprits. Parce que souvenez-vous, le réveil consiste dans la vie de l'esprit. Donc, il y aura une confrontation exactement comme le cas du Mont Carmel qui va se positionner maintenant entre les esprits et les esprits. Mais ici, il s'appelle frère. Il dit qu'il sert Dieu. Tara, tous les filles de Tara. On peut avancer. Oui, frère. Et les autres également, d'autres frères. Si possible, de nous rejoindre dans ce réveil spirituel. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un réveil spirituel qui se prépare dans ce camp-là également. Et voilà pourquoi il y a le retour aux sources. Donc, effectivement, les gens viennent visiter la Terre Sainte, où tout a commencé. C'est Yahudi, Juda. Et donc, lorsque ces choses sont en train de se préparer, souvenez-vous que des conférences seront organisées pour expliquer ceci. Des conférences seront présentées. Mais ce qui est curieux, c'est que les versets bibliques qu'ils présentent, ce sont ces versets bibliques-ci. C'est ça qui est le plus curieux dans cette affaire. Quand ils vont vouloir présenter n'importe quoi, ils vont prendre dans cette Bible-ci, mais dire que cette Bible-ci a été trafiquée, c'était l'histoire qui a été biaisée. On a fait le trafic, on a fait les translations de l'histoire africaine. Ils vont parler, c'est pour ça que vous allez en parler, même les dieux tard. Les anacs, quand on aura le temps de travailler, vous montrer certaines choses, maintenant pour vous montrer effectivement que les confessions que les Africains font, c'est à un moment donné, vous lisez clairement avec Satan parce que ce sont des choses qui sont prévues depuis. Je vais vous le montrer, c'est écrit là-bas. Et donc, vous voyez, quand ces gens vont faire ces choses, les conférences seront organisées, ils vont gagner déjà à leur cause parce que ça parle des causes panafricaines. On va maintenant voir que c'est la région panafricaine. Ils vont monter pêle-mêle là-bas en prenant les choses là-bas en disant effectivement que Jésus était noir. Enfin, vous avez entendu tout cela. On peut avancer, frère. Ne vous fâchez pas, vous ne pouvez pas empêcher que ces choses arrivent. Le réveil, c'est le réveil. Il y a le réveil de la du réveil. Tu commences ici. Voici, frère de cœur. Je ne sais pas si tu vas la vigile, ouais. Des directs comme toi. Tu aimes écrire. Puis je me cache dans moi, je balance. Mais sinon, c'est un plaisir pour moi de mettre à mon frère. Et bienvenue. Merci beaucoup, frère Ufé. Donc là, nous sommes donc à Yaoundé, Juda. Et il y a quelque chose de vrai. Le travail est encore énorme, mais il est bel et bien déjà entamé. Les choses se font. Et par la puissance seul de l'esprit agissant en nous, nous arriverons au résultat escompté. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de découragement, ok ou non, nullement. Mais plutôt la fortification, se souder et marcher main dans la main, dans la différence qui émane des vocations de chacun d'entre nous, nous devons, dans ces différences, nous complémentariser afin d'arriver à l'accomplissement de ce pourquoi nous avons été manifestés dans la matérialité. Que donc t'étais le consistoire de Dieu Tarzanello, vous bénisse et vous garde. Et donc, rendez-vous sur la terre de la réalisation de la prophétie. Voilà, donc effectivement, Yaoundé, effectivement, mieux encore, le Cameroun, c'est de la terre, comme nous sommes des lits dans le livre des. C'est pour cela que je vous ai amené sur cette vidéo, c'est parce qu'ils savent de quoi il est question dans le livre d'Ésaïe au chapitre 19. Il a dit que le consistoire de Tony Ramillo vous bénisse. Regardez comment la sœur Victoire regarde là-bas. Regarde ça comment... dit quoi? C'est moi qui ai parlé ça. Non, je vais lui demander l'explication. Ok, écoute. Marcher et dans ces différences, nous complémentariser afin d'arriver à l'accomplissement de ce pourquoi nous avons été manifestés dans la matérialité. Que t'es le consistoire de Dieu, t'as raison, yo. Vous bénisse et vous garde. Et donc que t'étais le consistoire de Tari Rabizo, vous bénisse et vous garde. Rendez-vous sur la terre de la réalisation de la prophétie, c'est-à-dire la promise, qui est le lieu que voici et que nous possédons en toute liberté lorsque la science du Père nous aura encore conquis l'esprit, l'âme et le corps. Donc, frère Wilfried, oui, que notre Père soit vraiment glorifié par rapport à cette rencontre. La première rencontre et d'autres vont arriver. Les conférences, les choses vont être organisées pour pouvoir sonner cette trompette-là au niveau de Juda, afin que la race élue se réveille et revienne à la conscience d'elle-même afin d'explorer à toujours. Shalom à tous. Voilà, donc ça, souvenez-vous que la trompette sera sonnée justement et les gens vont venir à la trompette, comme j'ai dit tout à l'heure là. Donc quand vous allez rentrer en charter, vous n'allez pas rentrer seul, et vous allez rentrer en groupuscule. Et il y aura des réveils, il y aura des réveils sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan religieux, donc, et sur le plan religieux, c'est là où le problème va se retrouver. Donc il y aura la confrontation des esprits. Le frère Emmanuel Yoba, bonsoir et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonsoir frère, merci. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Alors, shalom. Oui. Shalom, shalom. Quel commentaire faites-vous de ces vidéos? Il pose la question d'abord premièrement au frère Oswald. Oui, bien aimé. C'est comme j'ai compris, comme Esaïe 29 nous dit, hein, donc il y aura le faux réveil. Oui. Voilà. Je pense que tout ça, c'est dans le but d'atteindre, si Dieu a permis, tout ça, c'est dans le but d'atteindre le véritable réveil. Pour qu'on restaure ce véritable réveil que Dieu veut faire pour l'Afrique. Donc, il y aura des trucs pour distraire. Voilà. Donc, je comprends ça dans ce sens-là. Il vaut mieux qu'on passe par là. On passera par là parce que c'est la volonté de Dieu qu'on passe par là. Et afin que Dieu restaure les choses comme il a promis dans le verset 20 que nous avons lu tout à l'heure. Donc, c'est ce que je comprends tout par là. Oui. Écoutons. Il vous laisse encore écouter ceci. Écoutez, il va avancer de temps en temps. Écoutez. C'est un grand pays, il est rempli de richesses aussi. Oui. Il parle français là-bas. Oui. Il parle lingala. Oui. Mais quelle est la langue la plus parlée au Congo? Le lingala. Voilà. Et qu'au Cameroun, on ne fait pas ce genre de choses. Et puis, quel est le degré de développement du Congo avec le lingala? Mais il y a un voilà. problème. Donc, oui. Ce n'est pas justement un problème de langue. Vous avez parlé d'une prise de conscience voilà. collective de là où on sort, c'est pertinent. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a un problème de langue qui peut. Parce que dans le cas du Congo, je ne sais pas si le Congo, sur le plan économique, est plus développé que le Cameroun. Ça n'existe pas. Non, ce n'est pas une question de développer ou pas développer. C'est une question, premièrement, de la langue. Parce que derrière la langue, il y a un esprit. La langue, il y a un esprit, il y a un caractère. Quand on voit un anglophone et un francophone, ils n'ont pas le même caractère. C'est en fonction des langues. C'est ce qu'on appelle des langues barbares. Il y a des esprits derrière chaque langue. La preuve, quand on voit des tribus, on voit des Bassans, on voit des Boulou, on voit des Métis, on voit toutes les tribus qui sont au Cameroun naturellement. Chaque tribu, en fonction de sa langue, a un comportement propre. Au moins, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ça, vous pouvez trouver ça, c'est écrit là-bas, Zulu Lassan, en direct sur Radio Dynamique FM 103.9 à Douala. Et effectivement, la chaise sur laquelle il est assis, c'est là où j'ai enseigné, lorsqu'on l'enseignait sur Dynamique FM. Donc, il est aussi assis là-bas. Comme quoi, n'importe qui peut s'asseoir, n'importe quelle chaise, dit n'importe quoi, sur le même micro. Allons-y, suivez. Un Camerounais qui va en France, il vit en France, il aura un comportement de français. Parce que c'est cette langue-là qu'il va utiliser, qui va le modifier, qui va le changer. La langue est vraiment réelle. Derrière la langue, il ne faut pas sous-estimer la langue. Derrière la langue, il y a un état de conscience, il y a une entité derrière. Donc, la solution actuellement au Cameroun, c'est quoi? Tous les tribus doivent se rencontrer, s'ils peuvent, bien entendu, et revenir à la source. Sans la source, le Cameroun n'avancera pas. Comme autant d'autres fois. Alors, sans la source, le Cameroun n'avancera pas. On peut s'en tenir à cela, Adrien, oui, on peut s'en avancer tous les jours. Alors, les médias. Zola, ça fait pratiquement 9 ans que vous êtes parti du pays. Alors, vous revenez au pays après 9 ans. Est-ce qu'il y a une différence, selon vos constatations? Bien sûr, bien sûr. La différence, elle est positive ou bien négative? Bon, c'est pas que ça fait 9 ans que je suis parti du pays. Ah oui. J'ai dit la dernière fois que vous allez au Cameroun, ça fait 9 ans. D'abord, il y a trop de désordre maintenant. Oui. Il y a trop de désordre, trop de pollution. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Là, je... Vous êtes complètement perdu. Bon, pas que je suis perdu, mais je trouve ça dommage. Oui. Pour le Cameroun, parce que côté, je regarde la télé camerounaise tous les jours, que ce soit sur YouTube, Canal 2, tout ça, je regarde tous les jours, je m'informe, parce que j'aime le Cameroun. Le Cameroun, c'est la base. Cameroun, c'est la base. Écoutez bien, écoutez. Alors, vous qui êtes écoutant le monde, oui. Depuis que le problème qu'on retrouve au Cameroun, appelons le problème anglophone aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà envoyé un message aux Camerounais, à vos frères Camerounais, à vos parents Camerounais, que voilà les solutions pour qu'il n'y ait pas la guerre au pays? Bien sûr, j'envoie des messages tous les jours. Messages de paix, messages de conscience. Donc en gros, il faut que l'homme, en tout cas le Camerounais en premier, bon, l'Africain en premier. Mmh. Moi, je vais dire Africain, non, moi, c'est pas Africain. C'est des Blancs qui ont donné ce nom-là. Mmh. Malgré que s'il avait fallu que vous donniez un nom, ce serait... C'est les Wassers. Tiens. Oui. Bon. Vous entendez, n'est-ce pas? Écoutez bien. Parce que c'est Wassers, la Terre. Ça veut dire quoi, c'est... La Terre, Wassers. C'est assez là. C'est ambassadeur. Ah. Tiens, sans doigt. Voilà. Bon, vous voyez que vous voulez aussi dollariser. Non, je veux pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut savoir quelle était la première langue. La toute première langue en Afrique, c'était quoi? Les historiens vous diront jamais. C'était pas l'hébreu. C'était quoi? C'était la langue Sawa. La langue Sawa? Oui. La première langue en Afrique? Oui. Au Cameroun ou en Afrique? Originaire du Cameroun, sortant du Cameroun premièrement. Première langue, la langue de la Afrique. Comment est-ce que vous avez fait ça? Ça, c'est des choses qu'on va revenir après. Oui, on pourra, il n'y a pas de souci. Bon, oui. Comment j'ai fait pour revenir dessus? Oui. Premièrement, l'homme, oui. Sawa, ça veut dire quoi d'abord? Il faut d'abord voir la définition du mot Sawa. Le Sawa, il ne faut pas juste s'arrêter sur le Douala, le Bassa, le Bakoko, sur les Sawa. Si on s'arrête que sur ça, l'homme n'avancera pas. L'homme noir, en tout cas le Camerounais, n'avancera pas. Le Sawa, c'est d'abord le bord de l'eau. C'est le littoral. Et l'homme, le premier homme, vivait au bord du littoral. Oui. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre les écritures avec la langue originelle. Je prends l'exemple. Dans la Bible, on parle des figuiers. Or, la vraie version, parce qu'il y a une vraie version de la Bible, il y a une Bible qui arrive où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de... Qui l'a écrite? Inspiré par l'esprit. Alors, ça arrive. Matoum, il est très attentif à vous écouter parce que. Donc, il y a une nouvelle Bible. Pas une nouvelle, c'est la première. C'est la première. Moi, parce que Bible, ça veut dire bibliothèque. Oui. L'ensemble de beaucoup de livres. Bien sûr. C'est la... les auteurs. Comment? C'est qui les auteurs? C'est pas qu'il y a des auteurs. C'est un initié qui a écrit cela, non pas qu'il a inventé, mais le tracé s'y est déjà été. Inspiré par Dieu, dit-il. Inspiré par l'Oba. L'Oba. Dit-il. Le créateur, pas dit-il. C'est véridique. Allons-y. Le problème, c'est quoi? Ah oui. Il faut revenir à la source. Parce que j'ai vu, j'ai déjà assisté au débat avec beaucoup de formes de croyants, ainsi de suite, des satanistes, tous ces grandes choses. Mais il faut toujours revenir à la source. Si on ne revient pas à la source, ça ne servira à rien. Les débats dans les plateaux, ça ne servira à rien. Ça va être du spectacle, l'audimat et tout ça. La source, c'est quoi? C'est d'abord l'homme noir. L'homme noir, il faut oublier les frontières, les langues, les tribus. L'homme noir, d'abord. La spiritualité est une question de race. Pourquoi je dis ça? Quand on lisait dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit que... Voilà, vous voyez donc cette technique dont je vous ai toujours parlé. Ce qu'il aura devant lui, c'est toujours la Bible que vous avez aujourd'hui. Mais il annonce ici qu'il y a une Bible qui va sortir, que celle-là est authentique. On suppose que tout ce qu'on a toujours lu là n'était pas la vraie. Maintenant, il faille une Bible authentique, écrite par lui, inspirée par l'esprit de l'Oba. Et dans cette Bible, il n'y a pas d'erreur. Écoutez donc, maintenant il va dire dans Genèse chapitre 1, verset 26. Donc ça veut dire que là-bas au moins il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il va vouloir expliquer partant de cela. Écoutez-le. selon la Bible actuelle, classique, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que les entités qui sont dans le grand ordre des choses ont un ADN, une ADN commun à tous. Et l'homme, moi, a été fait de cet ADN-là. C'est en cela où je dis la spiritualité est une question de race. Si l'homme noir ne comprend pas ça, il n'avancera pas. Donc, il faut d'abord oublier le français, l'anglais, les tribus. Revenir d'abord comme un seul homme. Comme Christ a dit, en tout cas le vrai Christ, dans Jean, écoutez, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient. Écoutez bien maintenant, le vrai Christ qui a parlé dans Jean 20, 22. Donc, au moins, dans Jean 20, 22, celui qui parle, c'est le vrai Christ. Donc, dans ce même Jean-là, il y a le faux Christ qui parle. Selon la Bible actuelle. Gardez bien l'expression, la Bible actuelle. Dans la Bible actuelle, il y a des endroits où le vrai Christ parle, où le vrai Dieu parle, le Créateur, l'Oba parle. Mais à un moment donné, ce n'est pas l'Oba qui parle, c'est son entité négative appelée Lucifer qui parle. Donc, le vrai Christ parle dans Jean 20, 22. C'est pour cela que le vrai Saint-Esprit, que les vrais apôtres, selon lui, ont reçu, c'est dans Jean 20, 22. Dans les apôtres chapitre 2, ce n'est plus le vrai Saint-Esprit. Alors, continuons. Comme toi et moi, nous sommes un. C'est l'unification. S'il n'y a pas de ça se verra. Alors, Adine, est-ce que le Cameroun n'est pas unifié? On peut dire que le Cameroun est unifié. Donc, si on était unifié, on ne parlerait pas d'équilibre régional. Quand on parle déjà d'équilibre régional, cela sous-entend qu'il y a la division. Et qu'on se bat jour et nuit pour essayer de recentraliser. Mesdames et messieurs, les 13 heures passées de 31 minutes, mes deux invités sont avec moi, Zrola Sam, qui nous a honoré par sa visite de passage au Cameroun, pays natal. Et il vient sur l'une de ses radios partenaires qui nous apporte aujourd'hui pas mal de solutions palliatives pour la crise anglophone. Et pour cela, alors, en tant qu'homme de Dieu, homme écouté dans tout le monde, que vidéos sont balancées de partout, vos messages sont écoutés. Aujourd'hui, s'il arrivait que vous soyez interpellé, il faut la vie du Créateur. Bien sûr. Comment on le saura, nous autres? Comment on le saura? Oui. Quand il y aura la paix. Lorsqu'il y a paix. Parce qu'il y a deux sortes de paix. Vous pas le paix. Par rapport, premièrement, au message que j'apporte. Ah ouais. Vous devez une chose, pour connaître la vérité, il faut écouter d'abord la personne. Quand on élit un président ou un député, tout ça, c'est en fonction du discours qu'ils vont apporter, en fonction de comment ils vont s'exprimer, et les gens vont analyser. Dans la paix, il y a deux centres de paix. Il y a la paix qui appartient aux hommes, c'est-à-dire la paix de la terre, la paix des gagnants. Et la paix qui vient du spirituel. Pour qu'il y ait la paix, il faut que l'homme revienne à la source. Je reviens, depuis le début, je parle de la source, la base, et je ne m'éloigne pas. L'homme noir vient du spirituel. Il faut qu'il revienne à la source, dans la spiritualité, et non dans la religion, pour qu'il y ait de la paix. La religion a été créée par les hommes. Quand il dit créée, elle a été inventée par les hommes. Et la spiritualité vient du monde spirituel. Donc, pour qu'on dise spiritualité, c'est un esprit qui vit, qui bouge, qui a des actions, c'est ce qu'on nomme spirituel. L'homme noir doit revenir à la spiritualité à la base, le Camerounais doit revenir à la spiritualité, le catholicisme doit disparaître, les chrétiens, en tout cas ce qu'on appelle le christianisme actuel, doit être banni en Afrique. Vous pensez que l'idée que vous aviez sera acceptée ou acceptable par tout le monde? Pas par tout le monde, puisque même le Christ, le vrai Christ, quand il est venu, c'est pas tous qui ont cru à son message. Mais une grande partie, néanmoins, a accepté son message. Et actuellement, il y a beaucoup qui acceptent les messages. Là, même en Côte d'Ivoire, on m'appelle pour que je vienne en Côte d'Ivoire. Bientôt, il y aura un grand séminaire qui va se dérouler à Kribi, un grand séminaire. Les gens vont venir un peu partout dans le monde. Une grande campagne de d'évangélisation. Alors, vous avez entendu tout ce que j'ai dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pendant que vous êtes préparé, il y a des gens qui se préparent également. Donc, préparez-vous au réveil. Il y aura le réveil, il y a le réveil du réveil. Mais je veux que vous l'écoutez jusqu'à ce qu'il parle du Christ comme étant Camerounais. Et on les attend bientôt. Et le but, c'est d'apporter le message de paix Et puis je suis surpris d'une chose. Vous savez, je suis surpris que vous êtes, vous venez au Cameroun, vous venez en Afrique, vous venez visiter l'Afrique, et puis vous donnez comme solution, vous préconisez comme solution l'élimination des églises et le rétablissement de la vraie église. Alors que vous, de la vraie idéologie venant de l'étude spirituelle. Oui. Alors que vous sortez d'un espace, vous sortez d'un territoire où il y a autant d'églises que dans ce pays. Mais vous ne voyez pas qu'avec toutes ces églises-là, que là-bas, ils fonctionnent, il y a quand même un minimum de sérénité, il y a un minimum du pouvoir d'achat dans la vie sociale de tout le monde. Vous ne pensez pas que le problème, ce n'est pas la multiplicité des églises, parce que même là-bas, il y a aussi ça. Mais par contre, ça essaie d'aller normalement, mais ici, ça ne va pas. Mais... Non, moi, je suis de l'autre côté, je sais ce qui se passe là-bas. Ceux qui ont apporté la religion en Afrique ne pratiquent même plus réellement cette religion-là. C'est les Noirs qui remplissent les églises là-bas en Europe, en Amérique, un peu partout. Voilà, frère Oswald, tu vois effectivement qu'il a pris la thèse que tu as prise dès le départ pour poser la question, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, écoutons le développement. Je veux toute votre attention. Parce que l'homme noir a besoin de la spiritualité. C'est pour ça que dans toutes les religions, c'est lui qu'on voit le plus qui est engagé dedans. Donc le problème c'est quoi? Il faut éradiquer, quand je dis éradiquer, pas la violence, il faut extirper le cancer qui est dans nos territoires, on va dire l'Afrique. Toutes les religions dites révélées doivent disparaître. Il y a autant de richesses en Afrique, sur le continent, qu'on n'a pas besoin de remplir les églises. Toutes les églises qui sont remplies, ce n'est pas les fidèles qui en profitent. C'est les faux pasteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'avec ces églises-là, il y a une grosse problématique derrière ça. C'est pas, avant, il n'y avait pas moyen de créer des églises n'importe comment. Mais à force de l'État lui-même s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à soutenir la population. Maintenant, on a essayé de ce que les gens vont dans les églises. Chacun crée son église, on immatricule, on donne l'autorisation. Mais vous voyez, il y a une grosse problématique derrière ça. L'élimination des églises, que ce soit par la méthode brutale, que par la méthode douce, par l'enseignement, vous ne pensez pas que c'est la dernière option. Au lieu de commencer par ça, il faudra d'abord essayer d'assainir la vie de la population. C'est ça, parce qu'il y a une grosse problématique derrière ça, c'est que l'église emploie beaucoup de personnes. Vous ne voyez pas qu'aux allants, vous voyez beaucoup de gens au chômage, ces gens sont mieux que moi dans ces choses-là. Voilà. Il y a des pasteurs qui ne travaillent pas, qui sont rémunérés, il y a des agents pasteurs, bon, il y a qui les mandatés, les locataires, les bailleurs des salles, il y a les chaises, les fabricants de chaises, tout ça. Les églises vont acheter les chaises chez eux, il y a même les sociétés d'électricité, l'église utilise des gens qui vendent les climatiseurs, les églises en utilisent, mais tout ça, c'est toute une économie qui... Voilà, c'est exactement comme l'esclavage. C'est exactement comme l'esclavage. Qu'il y a eu aux États-Unis. Quand je dis qu'il y a toujours. Parce que l'esclavage n'est pas seulement physique, c'est mental, intellectuel, moral et spirituel. Quand on voit les nordistes et les sudistes ne voulaient pas libérer les esclaves. Pourquoi? Parce que ça les apportait beaucoup d'argent. Mais on aurait pu dire aussi, bon, on laisse toujours l'esclave, et ça s'embellit le pays, ça rapporte l'argent, ça crée des emplois. Mais non, on ne va pas bâtir une société sur du mensonge. On bâtit pas une société sur de la fraude. Tous ces faux pasteurs, qui les a mandatés? L'homme noir, certes, quand j'écoute votre discours, c'est comme s'il faut qu'on laisse l'Afrique actuellement telle que c'est. Donc l'homme noir peut s'épanouir financièrement, physiquement, mais spirituellement, non. La base, c'est le spirituel. Parce que l'homme actuel n'est pas immortel. Il ira rencontrer son créateur. Donc, il faut qu'il soit d'abord élevé spirituellement. La base, c'est la spiritualité. Le reste vient après. Le reste vient après. Salomon, dans toute sa gloire, il était riche. Il avait dépassé le statut de milliardaire, de billionnaire, de trillionnaire. Mais il est où maintenant? Parce qu'il était spirituel, il était sauvé, en tout cas le vrai Salomon. Alors, moi, j'ai une préoccupation qui me gêne là depuis concernant ce problème dont nous cherchons tous à ramener la paix. Alors, vous, est-ce que vous condamnez les actes qui sont posés par ces ces sionistes, ces personnes qui revendiquent à tort et à travers, parce qu'aujourd'hui, même si on en débat un dialogue qui ne va écarter aucun côté, aucune partie, mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de débordements. Alors, est-ce que pour vous, vous condamnez ces débordements ou bien vous les acceptez que c'est normal? Non, tant qu'il y a débordement, je n'accepte pas que c'est normal. Mon but, c'est d'apporter la paix. Oui. C'est la paix, pas la paix que Mandela est venu apporter. Ça, c'est une fausse paix. Ah bon? Ah oui. J'avais dit, quelle était la bonne paix que Mandela devait apporter? Voilà. Le problème, bon, ah oui. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Au temps de Mandela, quand il est sorti, on sait bien que c'était les Blancs qui étaient derrière. Oui. Qui l'ont menacé, qui l'ont pris en otage. Et en sortant de la prison, il dit que maintenant on va partager le pouvoir. On n'a pas à partager le pouvoir. Tous les Blancs qui avaient des grands postes devaient sortir de là et mettre les Noirs qui étaient compétents, puisque c'est la tête de leurs ancêtres. Ce n'est pas la tête des Blancs. Donc le problème maintenant, c'est quoi? Récemment, nous sommes allés à la mairie, je crois que c'était Bonanjo, à la mairie de Bonanjo, et voir le sous-préfet pour qu'il donne l'autorisation de diffuser les messages en plein air. Oui. Pour réveiller les consciences. C'est même déjà dit des cris de beaucoup de paperasse, comme d'habitude. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc, il faut faire des campagnes d'évangélisation. Montrer avec des preuves, avec les cartes de l'Afrique, que l'homme noir est la base de tout. Et quand on va montrer ça à l'homme noir, qu'il est le premier à venir sur terre, qu'il est l'héritier de l'univers, et que la spiritualité est une question de race, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que moi, je vis de l'autre côté. Il y a des noirs maintenant qui ont des remessages. On voit maintenant les discours ont changé, les façons de s'habiller ont changé, la façon de se tenir. Quand on voit les sœurs, les femmes qui sont ici avec des perruques, des tissages, des rajouts, c'est faux chose, c'est faux truc sur la tête. Où est la vérité? Vous savez que, je vais vous interrompre, vous m'excusez, vous savez que votre message, il est facile de suivre ce message lorsqu'on est équilibré sur le plan social. Parce que moi, je vous renvoie un peu sur l'histoire de la vie d'un Jésus que vous ne croyez pas. Jésus voulait prêcher à une foule, ils étaient près de 4000, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il a commencé à prêcher, il s'est rendu compte que ces gens-là, un de ses disciples, c'est l'apôtre, est venu lui dire que ces gens-là ont trop faim. Jésus était obligé de les nourrir pour continuer à les prêcher. Bon, vous voyez que cette parabole-là, je ne sais pas si ça s'était réellement passé, cette anecdote-là, c'est ça qui justifie que. Pour écouter un message la intéressant. Des plans. Voilà, multiplication des plans. Et des poissons. Voilà. Pour écouter un message intéressant, un message aussi fort, il faut être bien équilibré dans la tête, socialement bien équilibré, et puis le message va passer. Puisqu'après, il y a beaucoup qui se sont fait baptiser, beaucoup ont cru autre. Mais maintenant, vous parlez de l'Europe, moi, je suis normalement, c'est bien, les gens adhèrent parce que la dernière des choses pour eux maintenant, c'est de chercher à manger. Mais si vous venez dans un pays où les gens cherchent encore à manger, il y a beaucoup de pasteurs qui se sont convertis par famine dans l'œuf. Et même s'ils ont cru après, mais au départ, c'était l'occupation qui voulait, le chômage voulait les tuer. Ils ont connu, à cause du chômage, connu le Christ, ils ne savent pas comment ça s'est produit. Et ils sont devenus des pasteurs. Et puis, il y a toute une foule derrière eux qui veut chercher la lumière. Voilà. La lumière ici, c'est quoi? Ce n'est pas directement voir la gloire de Dieu, mais la lumière, c'est d'abord essayer d'avoir une vie sociale équilibrée. Vous demandez, vous préconisez l'annulation directe des églises et vous laissez la population comment? Non, voilà. Là, vous écoutez. Je vais répondre d'abord par rapport à ce que vous venez de dire sur le passage que vous avez cité avec le Christ. Ceux qui sont venus écouter le Christ parler, à un moment, ils ont eu faim. Parce que Christ parlait longtemps, il est en train de les introniser, bon, on va dire initier. Quand ils ont eu faim, les apôtres ont fait la remarque, ils ont dit, mais Seigneur, en gros, ces gens-là, ils avaient faim. Parce que pour aller acheter des vivres, ça va être très très loin. Christ a fait la multiplication des pains et des poissons pour ces gens. Ces gens ont mangé. Mais vous, vous êtes arrêtés là. Moi, je vais aller à la suite. La suite, c'est quoi? C'est que un autre jour, ils sont revenus voir Christ, non pas pour la parole, mais parce qu'ils avaient mangé. Et ils étaient rassasiés. Donc, ils sont revenus revoir Christ parce qu'ils voulaient encore manger. Et ça, c'est pas la solution. Remarquez que cette histoire qui raconte, ça se trouve dans Jean, chapitre 5, chapitre 6. Donc, c'est dans la Bible actuelle. Il faut qu'il voit la première nourriture. C'est le message. C'est la vérité. C'est ça le fruit d'abord. Pour ça, il faut réveiller les consciences premièrement. Ceux qui se sont auto-proclamés pasteurs, ils disent, bon, j'ai pas de travail, j'ai le diplôme, j'ai pas de travail. Tiens, je vais être pasteur. Mais qui l'a mandaté? Est-ce le Créateur qui l'a mandaté? Oui, mais même Paul sur le chemin de Damas, oui, alors qu'il allait persécuter et tuer les chrétiens, a été détourné par Dieu pour le mettre dans le droit chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On peut sortir d'une histoire sombre et devenir un homme de Dieu. Bien sûr. Maintenant, la différence entre Paul de la Bible actuelle, son vrai nom c'est Sombé. Donc. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous riez. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour. C'est intéressant. Oui, oui, vous laissez suivre. La différence, le vrai nom de qui? De Paul, c'est Essombé. Bon, on va aller tout doucement. Ben oui, on va aller tout doucement. Oui. Paul, sur le chemin de Damas, quand la lumière est apparue, il a rencontré. Bon, il a été converti après. Mais quand on voit Paul est resté dans la vérité, en tout cas, le vrai Paul est resté dans la vérité. Le message qu'il a apporté, il a démontré cela avec la démonstration de la connaissance, des miracles, de tout ce qu'il avait reçu. Tandis que ces faux pasteurs-là, actuellement, ils deviennent pasteurs. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent rien du tout. Ils apportent le JC blanc pour nourrir toujours les blancs. Parce que quand on... Mais vous imaginez, l'homme noir a subi l'esclavage. On dit qu'Adam était blanc. On dit le premier homme a marché sur la lune, et ça c'est faux, et qu'il était blanc. Tarzan, on le représente, il est blanc, il est le roi de la jungle, le roi de la forêt africaine, c'est Tarzan. Tout ce qui est blanc, on doit toujours mettre devant. Jusqu'à prendre le Christ, on le peint en blanc. Voilà le message que les pasteurs apportent aux noirs. Ok. Et samedi. Alors... après, quel est votre programme avant de rentrer sur tour? Parce que vous êtes quand même au Cameroun pour un programme. Oui, le programme, c'est on va organiser une grande conférence, oui. Campagne d'évangélisation, oui. Sur Kribi. Pourquoi vous avez choisi avec des Kribi et les 100 Douala des résidences? Après, je suis là-bas sur Douala, je commence sur Douala, oui. Et ensuite je vais à Kribi. Et je parcours un peu le littoral. Oui. Et à chaque fois que je parcours, j'apporte un message. Oui. D'accord. Est-ce que l'accueil a été chaleureux? Oui. Il y a pas... Vous avez retrouvé la famille? Oui, la famille, elle est là. La famille, elle est entourée. Oui, je suis entouré. Et vous mangez du bon dolé? Ah oui, du dolé, du soya. Oui. C'est ça qui me manquait, le soya. Mais il y a le dolé de l'autre côté. Il y a le dolé de l'autre côté. Mais c'est pas un dolé plus parce qu'il voyage, il met tout ça. Alors qu'ici, c'est le dolé frais. Bien sûr, le naturel. Laisse ici d'abord. Oui, bien sûr. Non, je me régale, on se régale. D'accord. Alors, quel est le dernier mot que vous pouvez passer aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'on mette la clé sur le pinceau? Ouais, le dernier mot que je peux donner aux auditeurs, c'est que je sais la plupart qui allaient à l'église, qui partaient à l'église, je sais que vous aimez celui que vous appelez Dieu. Pour sortir de la captivité mentale, intellectuelle, morale, spirituelle, allez sur Facebook, YouTube, vous tapez Zulu Lassan et vous visionnez les messages. Croyez-moi, ça va vous enlever de l'ignorance. Et qu'en est-il avec le livre qui devait apparaître? Le Bible? Oui. C'est... Parce que la publicité avait commencé. Oui, ça arrive. Ça arrive. D'accord. C'est en cours? Oui. Ok. Merci bien, mesdames. Voilà, je crois qu'il faut prendre... Vous avez vu la note là-bas, Zulu Lassan, en direct sur radio, ou taper quelque part, là, vous allez trouver... On va parler de ces Christ-là. Il faut savoir son ancêtre. Donc il faut qu'on retrouve, ça fasse rapidement. Parce que vous voyez là où il a parlé. L'ancêtre des Noirs. Et comment faire pour être initié alors? Pour être initié, C'est la parole qui initie. Oui. C'est la vérité qui initie. Mais pourtant, il parle de cette parole. Qui parle de cette parole? Ces hommes dont vous avez cité, ces prophètes, ces docteurs en religion. Ces docteurs, ces prophètes, ce sont dans des titres. Oui. Et ils apportent, on va dire, un dieu étranger. Que les ancêtres n'ont pas connu. La preuve. Pourquoi autant d'églises qui poussent au Cameroun? Nous sommes au Cameroun, ah oui, parce que j'aime bien le Cameroun. Bien sûr. Donc, je veux plus le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est la base. Le Cameroun, c'est la base. Ah oui. Le Christ vient du Cameroun. Vous avez entendu? Tout à fait. Oui, c'est ça. Dieu merci que le Seigneur m'a permis de trouver effectivement la musique. Je recommence encore, écoutez. Docteur en religion. Ces docteurs, ces prophètes, ce sont dans des titres. Et ils apportent, on va dire, un dieu étranger que les ancêtres n'ont pas connu. La preuve. Pourquoi autant d'églises qui poussent au Cameroun? Bon, nous sommes au Cameroun, ah oui, parce que j'aime bien le Cameroun. Bien sûr. Donc, je veux plus parler du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est la base. Le Cameroun, c'est la base. Ah oui. Le Christ vient du Cameroun. Et ça, personne ne va me prouver le contraire. Donc, pourquoi le Cameroun? Le Cameroun, c'est pas pour rien qu'on le nomme l'Afrique en miniature. Ça a une raison. L'Afrique en miniature. Bon, avant de parler du Cameroun, on va aller au tout début. Pour cela, je vais dans Deutéronome, chapitre 23, verset 3. Buvez les peuples, il est dit que le métis n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. Dans d'autres versions, de Yahvé. Jusqu'à la dixième génération. Un métis, c'est quoi? Le métis, la définition d'un métis, ce n'est pas un Camerounais noir qui va aller avec une Togolaise noire qu'on appelle métisse. Le métisse, c'est par rapport à la race, à la couleur. Oui. Voilà. Donc, vous voyez effectivement qu'au moins, là, Deutéronome, chapitre 23, verset 9, là-bas, c'est vrai dans la Bible actuelle. Mm-hmm. Mais vous avez suivi l'essentiel. Le Christ est, comme, est ici où? Au Kafou Sorcier. Kafou Sorcier à Mangué. Kafou Sorcier à Mangué. Ok. Donc, vous comprenez donc le pourquoi celui-là tout à l'heure a parlé de Yaoundé comme étant la source, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça alors comment? Voici donc cette Bible-là. Je vais vous faire. C'est 255 pages. Je vais vous faire transférer ça quand vous en aurez besoin. Pour que vous allez lire. Voici finalement cette Bible-là qui est sortie. Vous pouvez voir. On va lire quelques-uns. Ne vous inquiétez pas. Il est bien dit que tous ceux qui parlent contre le royaume de mon père, je les traque. Ne vous inquiétez pas. Même quand je ne parle pas de quelqu'un, je les traque. Ne vous inquiétez pas. Tous sur cette terre-ci, je traque et je connais chacun. Ok. Mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Il y a peut-être ton nom parmi les noms que tu vas citer là. Comment ça me chercher des problèmes comme ça? Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai dit que dans la Bible, il est question de moi. Que c'est faux. Ça veut dire que dans la Bible, il est question de lui. Il ne sait pas que mon nom est écrit justement dans la Bible. Bon. Regardez, on va voir le titre. Voilà, l'évangile caché de Christ. On appelle Kunduma Nemula. Donc voilà l'évangile caché de Christ. Du Christ. Souvenez-vous. Vous y êtes. On y va. On y va, frère, on y va. Lisez au fur et à mesure parce qu'on va passer à une autre vidéo. C'est pas d'abord qu'on répond à celle-ci, non, frère. Quelle est celle-ci? Ok, commente alors le temps. Dit, oui, parle alors le temps qu'on répète quelque chose. Parce qu'on va revenir sur cette sur sa Bible aussi. Les parents des Yumé. Vous connaissez qui on appelle Yumé et Yumé? Non. Vous connaissez la naissance miraculeuse de Yumé? Et Yumé face à Satan, le Moudi, na Bobé. La prière de Yumé. Je suis la naissance miraculeuse. L'inquiétude des sirènes des eaux concernant Eyoumé, les entités protectrices de Eyoumé. Eyoumé, à l'âge de 15 ans, sa rencontre avec sa grande cousine. Le combat spirituel de Eyoumé contre les sorcières. Eyoumé, à l'âge de 17 ans, sa rencontre avec Kola Ita. Le complot de Mengo, sirène des eaux contre Kola Ita. Donc, les 24 Mengo, sirènes des eaux, démons et démones. Les sept entités nocturnes. Et Yumé enseigne. Yabé Ndjongwane. Ça, c'est Jean-Baptiste. Prédication de Ndjongwane. Donc, ne riez pas. Le déploiement de Joki Sabé. Joki Sabé, c'est le Christ. Joki Sabé, c'est le Christ. Donc, c'est lui le vrai Christ. La naissance du Christ. Nsenga, c'est Simon. Les bergers de Mboa, Mbreti. Bethlehem. Donc Bethlehem c'est Mbroa Mbeti, je ne sais pas où ça se trouve. On va voir tout cela. L'intronisation de Jochebed, de Jokisabé, c'est Christ. Ministère de Jokisabé en Tengilili ou Sinkidili dit en Galilée. La belle mère Ndale. Jokisabé dans le temple sacré. C'est pas Pendandale, mon frère. Simon. Vous allez voir Nicodème. Non. Bon, Ndale marche sur les eaux. Dieu qui savait. Ndale, si tu as été pour sortement. Bon. Donc, on va y revenir. La mort physique de Lazare. Et nous, mais ça doit être quelque chose genre. Non. Jésus, c'est Dieu qui savait. Pas Jésus, gardez-vous à l'esprit que ce n'est pas Jésus, il s'agit de Christ, pas Jésus. Donc, il est vu le nom de Jésus. Voilà. Alors maintenant, commentez le temps que vous trouvez d'autres vidéos. Pour commenter, frère, c'est ça les réponses, comment dirais-je? Les questions du but, c'est bien de les répondre publiquement, non? On y va, on arrive, attendez. Ouais. Ouais. Attendez. Ouais. Attendez, oui. ne courez pas d'accord, il vous fait quelque chose. Mm. Il veut que vous suivez d'abord quelque chose. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Il vous montre au début, et vous allez suivre quelque chose. Vous y êtes? Suivons quelques vidéos. Et il vous revient, tout juste. Oui. On y va. Oui, frère. Ok. Patientez là, je vais vous connecter là. Merci, frère Oza, pour ces questions là. Donc, vous voyez, effectivement, quand le revers se présente, ça te présente n'importe où, n'est-ce pas? Si vous voyez derrière la vidéo, me dites, je mets le volume. Vous voyez? Non. Encore. La vidéo en est arrivée. Dès que la vidéo est là, vous me dites. Ah. C'est là. Oui, on le connaît, frère. C'est qui ici? C'est le fou là. C'est un fou même. Moi, j'appelle ça la folie. Mais c'est celui qui parlait tout à l'heure là. Ok, c'est simple. C'est ça qu'il voulait savoir. Maintenant, allons-y. Si vous entendez le volet, vous me dites. Vous entendez? Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Vous entendez? Oui, on entend. Écoutez très attentivement maintenant. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Certains d'entre vous ont déjà dû voir mes vidéos sur Dailymotion et YouTube où j'accusais Shorakotu et pas que lui, où j'accusais d'autres personnes. Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire et vous analyserez de vous-même si ce que je dis vient du Seigneur ou pas. Hier soir, j'ai eu une apparition de Jésus. Voilà. Cette vidéo aussi date d'avant ce que vous venez de suivre tout à l'heure où il parlait sur Dynamic FM. Il dit clairement qu'il a vu une apparition de Jésus. Et dans ce dit, vous allez entendre, il était sur le point de préparer des prédications pour dénoncer Shura Kwetu et autres là-bas et tous les autres prédicateurs qui parlent contre lui. Souvenez-vous, il a des attributs. Maintenant, il est le deuxième né. Quand il y avait la création, il était parmi. Après Christ, c'est lui qui a été envoyé pour réveiller les consciences. Et dans cette vidéo, comme vous allez voir, effectivement, il va montrer effectivement que c'est Jésus qui lui a apparu, a poussé à le faire appeler. Parce que dans ses écrits et dans ses prédications, comme il a dit sur sa chaîne YouTube, il prêche en montrant que Christ n'est pas Dieu, que ça ne veut pas être Dieu. Et donc, dans cette vision qu'il a eue, et il demande qu'on regarde son visage pour voir s'il ment ou pas, il va montrer effectivement que c'est Christ, c'est Jésus lui a apparu. Et il a dit clairement de prononcer qu'il est Dieu. Et il a finalement compris qu'il est le Dieu et Père. Mais par la suite, dans son orgueil, il va revenir encore sur l'enseignement pour montrer que Jésus n'est pas toujours Dieu. Donc, il a eu l'acte de repentance. Jésus s'est montré à lui, s'est révélé à lui pour montrer qu'il a fait fausse route. Mais l'orgueil et les héros et les dollars qu'on lui donne ont permis de traverser pour faire montrer en avant au point où il a dénigré la Bible pour faire sa propre Bible. Je crois par l'Esprit de Dieu, il veut revenir sur ce cas de sa Bible parce qu'il a dit tout à l'heure, vous avez entendu sur Dynamic FM, que cette Bible actuelle n'a pas de faute. Je vais faire un enseignement pour lui montrer clairement que depuis le début jusqu'à la fin, c'est déjà faux, sa Bible. Parce que c'est la même chose qu'il a fait avec la Bible de Shorakotu. Donc nous allons voir tout cela maintenant. Écoutez-le très attentivement. C'est-à-dire du Seigneur Jésus. Certains d'entre vous vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc dès que je finis avec cette vidéo, si je vous laisse maintenant digérer pour ce dimanche-ci. Donc gardez-vous à l'esprit cela. Très grâce. Gloire à lui. Tout d'abord, avant de poursuivre, je veux remercier le Seigneur par sa force toute puissante de ce qu'il a permis que je puisse encore être là aujourd'hui. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ce monde. J'ai vu des choses. J'ai eu des apparitions. Mais si je suis encore là, c'est grâce à lui. Et lui, il s'est mis pour Jésus. Jésus qu'aujourd'hui, il ne veut plus appeler parce que c'est JC. Il appelle JC. Que c'est JC, c'est une invention des Blancs. Comme vous avez suivi sur les antennes tout à l'heure. Là. Et déjà, je remercie le Seigneur parce qu'il est unique, parce qu'il est un, parce qu'il est fidèle. Lui, croyez-moi, Dieu est fidèle. Je sais de quoi je parle. Je ne dirais pas que je suis mieux placé pour le savoir, mais je dis... Dans les enseignements maintenant, actuellement, il le dit clairement et on voit qu'il est mieux placé pour savoir que quiconque, parce que le saint enseignant, celui qui a été mandaté, il n'y a pas deux enseignants sur la terre. Il est mieux savoir parce qu'il connaît tous les chérubins, il connaît tous les anaphimes et tous les autres noms par leur nom, les anciens, les 24 anciens, il connaît leur nom, leur couleur, ainsi de suite. Donc, mais ici, il dit qu'il n'est pas mieux placé pour le savoir. Que je sais de quoi je parle. Dieu est fidèle. Si nous aimons vraiment le Seigneur, il sera fidèle. Hier soir... Ceci me rappelle cette vision que j'ai eue sur Capo Philippe, alors qu'il était dans son divan, il était couché. Souvenez-vous, il a eu l'interdiction de prêcher. J'étais dans sa maison et puis je l'ai vu prendre la Bible que vous voyez qu'il dénonce. Il a lu et un ange se tenait au devant de lui pour lui insuffler quelque chose dans le cœur pour la repentance. Il était dans cette direction de repentance. Je ne sais pas ce qui va arriver de lui. Ça fait plus de presque un an que j'ai vu cette vision-là. J'ai voulu en parler dans un enseignement et je n'en ai pas parlé. Parce que je l'ai vu en train de lire. Donc, on voit effectivement comment quelqu'un incite les autres personnes à ne pas lire la Bible dans cette direction-ci. Mais lui, quand il revient en son bon sens, il commence à lire. L'ange est là pour lui dire dans son cœur que tu as de faire l'erreur. Tu as de faire l'erreur. C'est comme ça. Il soufflait sur son cœur pour que cette brin de repentance ouvre dans son cœur. Mais il lisait la Bible. Donc, j'ai vu Kakou Fela en train de lire la Bible sur son divan. Donc ouais, il lit en cachette, mais il demande aux gens de ne pas lire que c'est carani de fétiche. Voilà comment Dieu fait pour amener les gens à la repentance. Continuons ici. J'étais dans ma chambre, c'est-à-dire mardi 10 août. J'étais en train de méditer dans ma chambre. Comment j'allais faire plein de vidéos contre la personne de Chorakotou et contre plein de personnes, c'est-à-dire plein de gens que je ciblais pour les... J'étais parmi eux. Pour condamner les doctrines. Dans mes vidéos précédentes, je vous disais tout le temps que j'avais l'apparition d'un chérubin qui venait constamment me voir. Et je le répète, c'était pas des mensonges, c'était vrai. Pour d'autres, certains diront que c'est Satan qui m'est apparu. D'autres diront que je délire. D'autres diront que peut-être, seul Dieu le sait. Mais ce que moi je sais, c'est que je ne mens pas. Dieu m'est témoin. Hier dans ma chambre, dans ma méditation, toutefois je m'aimerais d'abord remercier, je ne sais pas si c'est un chrétien, ou si c'est une femme ou un homme, mais je sais que c'est quelqu'un qui est dans le Christ, parce que quand j'écrivais contre, dans mes prédications, c'est-à-dire dans mes vidéos, je parlais contre Chorakoto, contre sa doctrine, contre cette vision que vous avez dû voir, il y a plein de chrétiens qui m'ont écrit. Il y a plein de chrétiens qui ont parlé d'une manière forte. Et moi aussi, je les ai répondu ainsi. Mais toutefois, dans le Seigneur, pas des injures. On n'a pas insulté. J'ai insulté personne, ils ne m'ont pas insulté. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais son nom, quand il m'écrivait, c'était Le Noir 2. Le Noir 2, je m'adresse déjà à toi avant de poursuivre. Je te remercie pour tes discours quand tu m'as dit d'aller voir le frère Chora comme un frère en Christ avec amour. Quand tu m'as dit cela, j'avais les larmes aux yeux. Oui. Parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je peux être orgueilleux spirituellement, mais très sensible. Je vais vous expliquer. Quand tu m'as dit ces choses, ça m'a beaucoup touché.

quand le, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il m'a apparu, il m'a dit... Vous avez vu comment il a appelé le Seigneur Jésus. Donc, depuis celui qui appelle le Seigneur, c'est dit, il est question de Jésus. Mais dans la révolution maintenant de ses pensées, et par la suite, après ceci, il n'y a plus de question de Jésus. Jésus n'est plus mentionné nulle part. Encore moins le Seigneur. Il parle du Christ, du Koumane, ainsi de suite. Écoutez bien. Dis-le. Je tente de résister, je ne voulais pas le dire. Et il m'a montré l'orgueil. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Père. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, effectivement, Jésus s'est révélé en lui comme étant Dieu et Père. Et que tous ceux qui prêchent que Jésus n'est pas Dieu et Père, c'est par orgueil. Parce que c'est écrit dans la Bible ainsi. En tout cas, si quelqu'un ne veut pas comprendre, qu'il comprenne. Je me demande bien ce qui est écrit ça, ici derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez, vous, ici. Non, c'est des trucs qui sont collés, non? Qu'est-ce que vous lisez? 666. De toute façon, continuons. Là, j'ai appris une leçon hier. Christ m'a donné une leçon hier. Le Seigneur m'a donné une leçon hier. Et les versets ont commencé à tourner dans ma tête. Les versets sont mis à tourner dans ma tête. Et c'est là le verset de Jean 14, 10 est arrivé en moi. Où Christ disait, je suis, c'est-à-dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Or, dans les enseignements qu'il utilise, ce verset l'explique autrement. Vous voyez effectivement que si vous n'avez pas la révélation de la personne de Christ, tout ce que vous pouvez dire en étant un philosophe ou n'importe quoi, un docteur, mais ça ne vous servira absolument à rien. Si vous avez le fondamental que Christ est Dieu, si vous ne savez pas cela, tout ce que vous allez faire par là, si vous allez bavarder votre maman. Vous voyez, donc il dit que les versets ont commencé à s'entrechoquer dans son esprit et subitement le verset de Jean 14, verset 10, lui est venu. Pourtant, c'est écrit là-bas que le Père est en lui. Si le Père est en lui, ils sont un. Lui, il est le Père. Le bon sens voudrait cela, mais il a fallu que Christ vienne vers lui pour qu'il comprenne cela. Pourtant, il est celui qui est mandaté. Pourtant, il est le deuxième qui est censé connaître Christ-ci. Et étant sur la terre, il a enseigné que Christ n'est pas Dieu. Pourtant, si tu connais bien Christ, tout ce qui est dans les cieux là-bas, le loup, c'est lui, devant lui qu'on se prosterne. Mais lui dit qu'il vient dans l'au-delà, dans l'autre univers. Lorsqu'on voulait créer, il était là. Continuons ici. Et c'est hier exactement que j'ai compris le vrai sens de cette phrase. Et dans ce Jean 14, verset 10, là, il n'est pas écrit dans la version biblique de Kumbanen, Kundamene, ou c'est Kumbanen là-bas. Donc il dit que le verset là, lui est venu dans l'esprit. Dans la Bible actuelle qui est fausse, c'est Jésus lui a remis ce verset là à l'esprit, mais pas dans la version des doigts là. Et je me suis senti tout petit. Je me suis senti insignifiant. Je me disais que j'avais la connaissance. Je me disais que personne ne pouvait me dépasser en connaissance ou en quoi que ce soit. Ça ne veut pas. Ok. Nous suivons cette autre deuxième vidéo et on revient là-bas. L'autre, c'est encore plus amusant. Écoutez bien. Écoutez. Il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Vous-même, vous avez entendu, non? Vous-même, vous avez entendu. Dans le combat spirituel, non. Il faut prononcer Kundumane. Eh, les frères. C'est terrible, c'est terrible. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Je vous aime. Bonjour. Que Dieu bénisse le frère Oswald encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Mmh. Le revers en Afrique, ça va se passer. Mais écoutez. Hein? Et je vais parler de ça. Le titre, ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça. Le titre, ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, l'utilité du nom de Jésus, c'est un grand, grand bouclier. Le chrétien ne connaît pas sa position devant Dieu. C'est pour ça qu'il ne sait même pas comment utiliser son pouvoir. Et utiliser son héritage, c'est son héritage à lui. Comment utiliser cet héritage, hein? C'est la nécessité du nom de Jésus dans le combat. Dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus. Voilà, je crois que nous sommes là maintenant et puis on peut commenter maintenant. La France dans la sainteté, bonjour. Voici donc un quelqu'un qui enseigne et elle a programmé d'enseigner même le nom, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lorsqu'on dit le nom de Jésus, la puissance que ça dégage, c'est pour ça que beaucoup de personnes entrent dans leur héritage. Mais plus tard, on va dire ce nom Jésus-là n'est pas le nom de Dieu, n'est pas le nom de Christ, le vrai Christ. Le nom c'est Kondamé, c'est Jésus qui savait. Donc, si vous pouvez prier, en tout cas, si vous allez là-bas, il va prier au nom de Jésus qui savait. Je ne sais pas comment il va prononcer cela, même de toute façon. Alors, commentaire. Vili Châtillon, vous avez l'antenne. Amen. On va aller dans Matthieu 18, 7, non? Oui. Pour commencer à comprendre. Parce que les questions bibliques, c'est bien pas la réponse bibliquement. Mm-hmm. C'est pas ça, mon frère. C'est ce que tu nous as appris, non? Une question biblique a une réponse biblique. Amen. Mm. Tu lis non, ma chérie. Ouais. Matthieu 18, 7. J'aime ça que vous disséquez n'importe quoi au travers de la parole. Au travers de la parole. Amen. La sœur Ophélie, bonjour et bienvenue. Bonjour, Junior. Uh-huh. La sœur Laetitia. Bonjour de, à tout le monde. La sœur Laetitia de Yehudi, Yehudi, Yehudi, Judas. Bonjour et bienvenue. Souvenez-vous que ce n'est pas moi, je ne fais que citer les gens comme ils citent la Bible, n'est-ce pas? Sœur Laetitia. Oui, mon frère. J'arrive, hein, j'arrive. Ok. On est sur la route là. Ok, à tout. La sœur Laetitia a décidé de ne pas me dire bonjour. 18, 7 dit. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Et on va aller aussi dans Colossiens. À partir du verset 8, chapitre 2, le verset 8. Colossiens. Chapitre 2, le verset 8, à partir du verset 8. Colossiens 2, Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies conformes à la tradition des humains et aux rudiments du monde, et non selon Christ. Il y a plein de versets qui en parlent. Parlons dans Timothée. Timothée, le chapitre 1, on parle. Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, le chapitre 4, etc. etc. On parle quoi dans Timothée? Dans Timothée, déjà, à partir du chapitre 1. Le chapitre 1, Timothée, chapitre 6. Verset. À partir du, tu peux lire à partir du verset 3. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de demeurer à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner une autre doctrine et de ne pas s'adonner aux fables et aux généalogies sans fin qui produisent des disputes plutôt que l'édification en Dieu qui consiste dans la foi. Amen. On voit Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Timothée 4. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Mmh, c'est bon. On a Timothée, chapitre 4. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront docteur sur docteur selon leur propre désir. bon. Et ils détourneront, oui, vas-y, détourneront. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, ton service pleinement approuvé. Amen. Et aussi ce passage de Paul qui dit que même si un autre ange venait nous prêcher, vous venez vous prêcher, nous, que cela soit anathème. Donc, il y a tellement de versets qui en parlent. Hein, frère? Oui. Donc, là, on explique les choses que le Seigneur lui-même a prophétisé, que ça doit arriver. Mais le problème, c'est que, le problème, c'est que ça, c'est dans la Bible actuelle. Oui. Ça, c'est les Blancs qui ont amené ça. Les Blancs qui ont amené ça. C'est là où Jésus que descend, l'apôtre Paul lui-même dit qu'il a posé les fondements comme ça. Bonjour à tous, c'est encore le frère. Allons-y, okay, écoutons-le maintenant. Vous avez vu ce titre ici, n'est-ce pas? Oui. Lisez vous-même le titre, c'est sur sa chaîne. Le nom donné par Dieu aux hommes pour être sauvés. La preuve. Relisez encore. Jésus n'est pas le nom donné à Dieu aux hommes pour être sauvés, la preuve. Voilà, mais ça c'est une vidéo de 39, mais nécessairement qu'on suit un extrait. Parce que nous avons suivi en background ce qu'il a dit du nom de Jésus. Écoutez. Dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable de l'Oba, je rends grâce à Dieu, le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toutes particules, de ses clés, grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est unique, parce qu'il est patient et de ce qu'il est tout puissant. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, c'est-à-dire qui va déstabiliser tous ceux qui croient, c'est-à-dire. La vidéo aussi va toucher l'humanité tout entière parce que les archéologues, les scientifiques, tous ceux qui sont autoproclamés, pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, peu importe d'autres confessions, sont toujours basés sur le nom de Jésus en disant qu'il est venu il y a 2000 ans en Palestine. Donc aujourd'hui, par l'Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, je vais vous démontrer que non seulement celui qui est venu il y a 2000 ans est complètement faux, c'est-à-dire il ne s'appelle même pas Jésus et ce nom-là ne vous sauvera pas. Dieu n'a jamais donné ce nom-là. Donc, parce que, pour ça, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19, 2, que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, 2, la gloire du Père est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Et encore dans Deutéronome 29, 29, que les choses cachées sont au Père, et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu est bon, magnifique, et il dit dans Jérémie 33, 3, « Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. » Et dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 1, au verset 1 à 3, que à plusieurs reprises, à plusieurs manières, Dieu, dans les derniers temps, a parlé par nos pères, c'est-à-dire par vos pères, les prophètes, mais Dieu, dans les derniers temps, a parlé par le Fils, à qui a établi héritier de toutes choses et par lequel il aussi crée le monde, et qui était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et dans le verset 4, il est dit quoi? Devenu autant supérieur aux anges, qui a hérité un nom plus remarquable que le leur. Point! Donc, aujourd'hui, on va parler de ce nom. Parce que vous savez actuellement, plein disent que ce nom-là, c'est Jésus. Et que... Voilà. Maintenant, qui est-ce qui l'accuse comme ça en premier? Il s'accuse lui-même d'abord. Il s'accuse lui-même, c'est ça frère, il s'accuse lui-même. Parce que plein de gens disent que c'est Jésus. Et c'est lui qui venait nous raconter dans son songe que qui lui est apparu. Jésus. Et il a dit que... Il a dit après avoir dit qu'il a eu la révélation de Jésus. Exactement, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et la deuxième chose maintenant, c'est que... C'est pour ça qu'il a réalisé cette vidéo-là sur son site. La première vidéo dont je vous ai fait état en montrant qu'il a eu la vision, ça ne se trouve pas sur son site. Et même là où il a dit qu'il va enseigner le nom puissant de Jésus, vérifiez, vous allez voir qu'il n'y a pas cet enseignement sur son site. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, alors il a dit qu'il devait voir qu'on n'entre pas dans l'autorité parce qu'on ne connaît pas la puissance qui est dans le nom de Jésus. Maintenant, suivez. Jésus, en hébreu, ça veut dire Yehoshua. Donc, pour eux, ils ont traduit Yehoshua qui donne Jésus. Et en grec, c'est Isosa. Mais je vous ai démontré dans la vidéo précédente, par l'Esprit du Père, bien entendu, que les textes originaux n'ont pas pu être traduits en hébreu ou en grec. Parce qu'il est dit dans Jude, chapitre 1, verset 14, que Enoch a prophétisé dans ses écrits. Et Enoch ne parlait pas l'hébreu. Les hébreux n'existaient pas au temps d'Enoch. La notion hébraïque n'existait pas encore. Donc nous allons donc voir D'autres, quand vous allez sur les sites de moteurs de recherche, tout, peu importe, on vous dit que Jésus, le nom Jésus, ça veut dire cheval de Baal. Ou bien ça veut dire Zeus. Peu importe, mais nous allons voir si ce nom-là de Jésus a réellement été donné par Dieu aux hommes pour être sauvés. Vous allez parcourir dans le monde entier toutes les religions, c'est-à-dire ils se basent toujours après le christianisme, les philosophes. Les... Voilà, je crois que vous-même vous avez vu assez encore. Donc ça c'est un peu par rapport au nom de Jésus. Vous voyez que je suis en direct sur son site là, vous pouvez voir Zulu Lassan. Donc là il a montré, il veut montrer clairement que le nom de Jésus n'a jamais été cela, n'est-ce pas? Maintenant ici c'est là où il montre que Christ n'est pas Dieu, la preuve. Et c'est cette vidéo qui a été faite après la vision qu'il a eue de Jésus. Tout ça c'est même Jésus. Il veut que vous voyez effectivement le réveil qui est en train d'arriver. Voici l'un des portées de réveil dans la version des forêts sacrées africaines. Écoutez. Je le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel et de la terre, des secrets, les grands glorieux et redoutables. Je remercie. C'est classique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'introduction classique. D'accord. L'Oba, parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et d'esquiver inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance. On va entrer dans la connaissance elle-même des Écritures à l'état pur. Donc, vous savez que depuis déjà c'est un moment, et même pendant le Concile de Nicée, pour ceux qui connaissent l'histoire où ils ont décrété la notion de la Trinité, et ils ont aussi décrété que ce Borgia, c'est-à-dire Borgia, serait le Fils, le Père et l'Esprit en même temps. Et qui serait Dieu lui-même. Et plein de gens, plein de tous ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres ou hommes inspirés ou hommes de Dieu, et les chrétiens du dimanche, ils vous disent que Christ, que ce Borgia est Dieu lui-même qui remplit trois fonctions. Nous allons donc voir durant les Écritures, on va prendre plusieurs versions des Bibles pour vous montrer la supercherie, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes qui est réellement Christ. Donc, vous devez d'abord savoir que quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, en tout cas pendant la deuxième fois, parce qu'il y a eu une première fois, la première fois c'était par rapport au métissage, quand les anges déchus, je dis bien les anges déchus, ont couché avec les femmes noires en Afrique ancestrale. Les métissages ont apparu, les blancs, les autres races sont apparues. N'écoutez pas les scientifiques qui vous disent que c'était au temps de la préhistoire. Il y a eu un groupe de, si c'est d'Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, qui sont restés en Afrique. Et d'autres sont allés dans d'autres régions où il faisait froid. Ils ont réussi à s'adapter. Et ils sont devenus blancs, ils sont devenus clairs de peau. Et les morphologies ont changé. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge total. J'ai déjà démontré cela. Donc, les autres races existent parce qu'il y a eu un mélange, une union interdite. Voilà. Je crois que vous avez, une fois de plus, vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez maintenant ceci. Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations. Là, il a quand même plus le poids, le ministère a changé. Donc, ça, c'est plus récent, ça. Écoutez. Je cache la parole de Lumba. Je rends grâce à Lumba, le créateur du ciel de la terre, c'est clair, grand glorieux. Vous voyez qu'avec son physique, vous voyez effectivement que le temps a changé, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok, regardez. Je remercie Lumba parce que bon, parce que les fidèles, parce que le tout, ça est décrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, aujourd'hui, passe à permission, passe à grâce, passe à toute divine puissance. On va entrer dans l'esprit de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Donc vous comprenez ici qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissance, qui manquent vraiment de science, des vrais tétas, on ne va pas dire spirituels, des mbomboka, qui sont, c'est-à-dire, ils n'ont même pas de substance spirituelle. Donc mboboka, ça veut dire que les gens qui n'ont pas de substance spirituelle, c'est mboboka, c'est ça la langue originelle des Sawa. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez le titre de la vidéo, Christ est-il descendant de David? Vous voyez, est-ce qu'il est réellement un descendant de David ou bien est-ce qu'il est réellement, il était issu de la tribu de, c'est-à-dire de la lignée de David? Donc, dans cette vidéo, il va démontrer justement que Jésus n'est pas issu de Judas, tout en prenant les versets bibliques dans la Bible actuelle où c'est écrit littéralement que Christ est issu des tribus de Judas. Et il dit clairement qu'il est le premier né. Écoutez seulement. Selon la chair. On va voir cela. Donc, vous savez, comme j'avais déjà démontré dans l'une de mes précédentes vidéos par rapport à l'évangile de Barnabé, et dans cette évangile de Barnabé, il était dit que Marie, mère de Christ selon la chair, était issue de la lignée de David. Et j'avais démontré, c'est-à-dire que c'était faux, donc qu'elle était issue de la lignée de Judas. Mais bel et bien, Marie est issue de la lignée de Lévi. Lévi. Voilà. Donc, dans cette vidéo, Sylvain effectivement affirmé que Jésus est lévite. Comme je l'avais démontré. Et Christ aussi, c'est un Lévi selon la chair. Voilà. Donc, je crois que là, maintenant, c'est un peu plus clair. Vous le voyez, vous entendez. C'est en direct sur son site. Là, ce n'est pas une vidéo téléchargée. Et non de, de Judas. Est-ce que vous comprenez? On va donc le démontrer avec toutes sortes de versions bibliques où Christ lui-même, je dis bien Christ lui-même, va vous démontrer qu'il n'est nullement issu de la lignée ou de la postérité de David. Donc, ni même de Judas. Vous verrez ici qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Voilà, écoutez bien. Donc, allez, cette démonstration, c'est pour une preuve qu'il est le seul enseignant. Écoutez. Donc, toutes les tentations, tout ce que les gens pourront entreprendre pour renverser, je dis bien, oser et essayer de vouloir corriger celui qui est en face de vous, ne sera que canular et sidéral. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Je suis la seule personne qui maîtrise toutes les versions des Bibles, toutes les Bibles, toute l'explication de l'Écriture. Pour ça, on va entrer. Donc, je t'exhorte à toi qui es assis. Nous sommes là, regarde bien ces enseignements. Oui. N'ayez pas peur. Peu importe ce que les gens pourront dire, faire, parler, vous la corriger ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien. Parce qu'eux-mêmes n'ont même pas de connaissances. Ils ne savent rien. Donc, voilà, avant qu'il ne commence, ouvrons le livre d'Hébreux chapitre 7 déjà directement. Hébreux chapitre 7. Frère, oui. Je demande. Hein, oui. Le Dieu n'en est pas troublé. Ne me pose pas de questions, je ne suis pas un psychiatre. Allons-y, Hébreux chapitre 7. S'il y a des médecins parmi nous, lisons verset 10 jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 15. Lis mon frère. Le verset 10 jusqu'au verset... Jusqu'au verset 15. Voilà. Car il était encore dans le règne de son père quand Melchisédek alla au-devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise de Lévitique, car c'est sous Jésus-Christ que le peuple a reçu la manche. Quel besoin était-il après cela quand notre prêtre se lève selon l'ordre de Melchisédek et qui doit parler selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est descendant de la tribu de Judas, wow, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus incontestable en ce qu'un autre prêtre à la ressemblance de Melchisédek est suscité. Qu'il n'ait pas été fait prêtre selon la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance de la vie impérissable. Car Dieu lui rend témoignage. Tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisédek. C'est bon, mon frère. Donc, dans ce verset 14, oui, la Bible est claire. L'apôtre Paul écrit ici qu'il est évident que, en parlant du changement de tribu, la Bible déclare clairement que le tribu, comme il y a changement de loi par rapport au Lévite, il est évident que la personne de qui on a de parler comme ça appartient à une tribu dont Moïse n'en a pas fait part par rapport à sa prophétie. Puis il dit qu'il est évident que le Seigneur est issu de la tribu de Judas, la tribu dans laquelle Moïse n'a pas dit quelque chose. N'est-ce pas, mon frère? Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais maintenant, prenons deux passages, principalement dans l'Ancien Alliance, pour vérifier ce qui était dit de lui. Pas vrai? Tout à fait. La France de la sainteté, vous m'écoutez? Très bien. Ok, maintenant, ouvrez le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et 2. Lisons, quelqu'un d'autre l'y voit. Ésaïe, chapitre 11, le verset 1 et 2. Lisons. Rapidement, rapidement, rapidement, frère. Il dit qu'on a, on a du travail ici sur la terre. On a du travail. Tout à fait. Ésaïe 11, du verset 1 et 2. Voilà. Donc, je lis dans Ésaïe 11, verset 1 à 2. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse et de l'intelligence. Oui. Esprit de conseil et de force. Oui. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà, c'est bon. On parle de qui ici? Jésus-Christ. Mais il est censé sortir du tronc de qui? Isaïe. Isaïe, c'est qui? Isaïe, c'est le père de David. Le père de David. Et David est issu de quelle tribu? Judas. Voilà la prophétie qui dit de lui qu'il devait sortir de là-bas. Allons-y à Michée au chapitre 5. Michée, chapitre 5. Le prophète Michée. Oui. Chapitre combien, frère? Chapitre 5, verset 1 et 2 encore. Allons-y. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi quelqu'un pour être dominateur en Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens. De l'éternité. Voilà. Donc on a donné exactement où c'est devait naître. C'est là, dans la terre de Judas où ça devait, il devait sortir. Pas vrai? Tout à fait, frère. C'est clair et net. C'est pas ce qui est écrit. C'est limpide. Mais voici un être. Mais allons dans le livre du prophète Samuel. Dans 2 Samuel. Ouvrons 2 Samuel. 2 Samuel. Oui, quel chapitre? Chapitre 7. Vous y êtes, versets 14, 15, 16 et 17. Oui, 2 Samuel, chapitre 7, versets 14 à 17. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai. Non, prends à partir du verset 10. Prends à partir du verset 10 pour qu'on puisse bien saisir, mon frère. À partir du verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos et en te délivrant de tous les ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, je t'affirmerai son règne. J'affermirai son règne. J'affermirai son règne. Je serai lui. Je serai pour je lui. Sera, je serai lui qui bâtira. Et ce sera une lui maison. Qui bâtira. Ça oui. sera. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Stop. Vous voyez qu'il a le prophétisé Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et il a dit clairement ici que c'est celui qui sortira de ses reins. Donc physiquement, il y a Salomon qui va sortir pour construire une maison à Jérusalem qui est censée être le symbole même du corps de Christ qui va venir, pas vrai? Tout à fait. Maintenant, regardez bien. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque l'apôtre Pierre allait prêcher, il va dire effectivement, parlant de ces choses-ci, disant de Jésus qu'il était et prophétisé à David que Dieu lui avait fait le serment. Ouvrons Actes chapitre 3 rapidement, là, c'est pas le thème. Rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 3. À partir du verset 22, frère. Oui, non, prenons le verset 25 rapidement. Pourquoi on lit verset 25 ou verset 29 rapidement? Et puis je vais vous amener quelque part. Donc, verset 25 ou verset 30 rapidement. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Chapitre 2, verset 25. Ma Bible est tellement écrite là qu'il ne comprend même pas là où ça se trouve. Chapitre 2 des Actes des Apôtres, versets 25 à 30. Allons-y. Car David dit depuis, je contemplerai constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et de plus, ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme en enfer et tu ne permettras... Que le frère Ova ferme son micro parce que ça interrompt là. La sœur lit. Car tu n'abandonneras pas mon âme en enfer et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Oui. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie dans ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment que du fruit de ses grains, il ferait naître selon la chair le Christ pour le faire asseoir sur son trône. Donc l'apôtre Pierre a dit la même chose en disant que c'est de David qui doit être issu, n'est-ce pas? Tout à fait. Voyez ce que ouvrez Romains chapitre 1, le verset 3, pour voir ce que l'apôtre Paul lui va dire. L'apôtre Paul cette fois-ci. Romains 1, verset combien, frère? Verset 3. Romains 1, verset 3. Concernant son fils qui est né de la semence de David selon la chair et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de saint, de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, donc, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'apôtre Paul dit qu'il est issu de qui? De David. Alors ouvrez... C'est ça qui est écrit dans Romains chapitre 1, verset 3, n'est-ce pas? Tout à fait. Lisons maintenant 2 Timothée chapitre 2. Ouvrez rapidement 2 Timothée chapitre 2 et puis on va aller quelque part. 2 Timothée 2, quoi faire? Lis le verset 8. C'est quel chapitre faire? 2 Timothée 2, 8. Souviens-toi que Jésus-Christ, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Allons dans le psaume 132. Veuillez fermer le micro quand vous devez faire les confidences. Chez la soeur Anne, le micro est ouvert. Psaume 132, verset 11 seulement, lisons. Yahweh a juré la vérité à David et il ne se rétractera pas, disant, je mettrai le fruit de tes entrailles sur ton trône. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Tout à fait. Chapitre 13 des Actes des Apôtres. Chapitre 13, verset. Permettez que les gens entrent. Vous avez trouvé? Oui, frère. Acte 13. Lis le verset 23. Lis le verset 23 alors. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus pour être le sauveur d'Israël. Voilà. Maintenant, je n'ai pas cité le cas des Apocalypse où il dit je suis le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. J'enlève ce qu'il a dit. Je n'ai pas lu cela. J'ai lu les promesses et ce que les apôtres en ont dit. Mais qu'est-ce que celui-ci a dit là? C'est terrible. Il a dit que personne ne pourra démontrer le contraire, pour prouver le contraire. Et il y a qu'un seul enseignant, c'est lui. Voilà, tout simplement, on a mis la vidéo et puis je suis allé dans la Bible pour piper là, au pif comme ça là. Maintenant, écoutons donc sa démonstration. Parce qu'il faut qu'on essaie d'écouter comment il va démontrer cela. Et puis on va couper à un moment donné. Parce que c'est 39 minutes de vidéo. Écoutez. On va prendre les versets dont beaucoup de gens et certains. On n'entend pas le son, frère. N'entendez pas le son. Bon. Permettez donc, je vais. Ok, c'est moi qui ai mal fait là. J'arrive. Pour essayer, c'est bon, de faire croire que Christ est issu de la lignée d'entrée. Donc je t'exhorte à toi qui es assis, C'est bon là maintenant. Bien ces enseignements. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peu importe ce que les gens pourront dire, faire, parler, vous la corriger ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien parce qu'eux-mêmes n'ont même pas de connaissances. Ils ne savent rien. Donc, on va aller, on va prendre les versets dont beaucoup de gens et certains utilisent pour essayer de faire croire que Christ est issu de la lignée de David et de Judas. Pour ça, on va dans Apocalypse chapitre 5 au verset 5. Apocalypse 5, 5. Vous verrez ici que dans la Bible en français courant, il est dit, alors l'un des anciens me dit, deux points, ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Judas, le descendant de David, a remporté la victoire, point virgule. Il peut donc briser les sept sceaux et ouvrir le livre. Vous comprenez ici, premièrement, que là, ce passage-ci dans Apocalypse 5, 5, c'est Jean, Ali de, en tout cas dans la version de la Bible actuelle, Jean Ali de Patmos, il était sorti de son corps. Et quand il est sorti de son corps spirituellement, il a contemplé beaucoup de visions divines. Et il y avait une entité spirituelle qui l'a guidé. Et beaucoup de gens disent que cette entité qui est apparue, c'était Christ, et ça c'est faux. Bref, j'avais déjà démontré ça. Si l'on le souhaite, je ferai encore une autre vidéo pour le redémontrer. Mais ici, on n'est pas, ben, on ne va pas parler de quel est vraiment cet ange qui avait apparu, cette entité spirituelle. Mais on vous dit ici qu'il y avait une entité spirituelle qui est apparue à Jean, à l'île de Patmos, et Jean était sorti de son corps. Et Jean a contemplé beaucoup de visions, beaucoup de révélations. Et dans un moment de son voyage spirituel, de sa révélation spirituelle, il a vu l'un des anciens. C'est-à-dire, cet ancien-là, c'était l'un des vieillards. Donc, c'est aussi une entité du grand ordre des choses, en tout cas selon la Bible actuelle. Mais ce passage-ci, on va vous démontrer que ce passage-ci est faux. Il dit bien, ce passage-ci est faux. Donc ouais, effectivement, vous débattez avec ce genre de personnalité, vous allez faire des débats qui n'ont pas de sens. Parce que quand vous allez prendre quelque chose pour lui montrer que littéralement, il va montrer que c'est faux. Pourtant, c'est écrit noir et blanc. C'est pour ça qu'il parle de la Bible actuelle. Et c'est dans la Bible actuelle qu'il doit faire ses prédications. Même comme il a sorti sa Bible à lui qui est l'authentique, c'est toujours dans la Bible actuelle qu'il prêche. Il ne prêche pas dans la Bible actuelle, dans la Bible authentique, il n'y a pas de faute. C'est un paradoxe, pas vrai? Les Français ne sont plus là. Il n'y a plus personne pas ici. Vous m'entendez? Je l'entends déjà. Est-ce que vous l'entendiez parler? J'entends, mais c'est trop. Le son n'est pas assez bon. C'est quand même curieux. Bon, dans ce cas, il faut fermer les micros. Alors, il faut fermer les micros. Je crois, le frère. Comment il s'appelle? Le frère. Emmanuel Yoba, tu connais ce garçon? C'est celui qui parle là, le seul enseignant. Bon, pas personnellement, mais j'ai déjà suivi ce genre de vidéo avant. Et quand tu suivais, qu'est-ce que tu en pensais? Comment dire? Bon, j'ai pas cru à ces enseignements en fait. Non, il va dire que les blancs t'ont fait le lavage, c'est pour ça que tu ne peux même pas croire. Tu as payé ton identité. Bon, écoutons-le alors. Parce que tous les anciens, je dis bien, tous les anciens qui sont dans le grand ordre des choses, tous les entités qui sont dans le grand ordre des choses, je les connais tous par leur nom, un à un. Et vous verrez ici là qu'aucun ancien, c'était... Vous entendez? Par me permettant, alors je remets. C'est la machine. C'était l'un des vieillards. Donc, c'est aussi une entité du grand ordre des choses, en tout cas selon la Bible actuelle. Mais ce passage-ci, on va vous démontrer que ce passage-ci est faux. Vous entendez? Je dis bien, ce passage-ci est faux. Parce que tous les anciens, je dis bien, tous les anciens qui sont dans le grand ordre des choses, tous les entités qui sont dans le grand ordre des choses, je les connais tous par leur nom, un à un. Et vous verrez ici là qu'aucun ancien n'a pu dire ce que Apocalypse 5:5 vient de dire. Parce qu'en disant cela, il contredit même le Saint-Esprit. Vous voyez, on va vous démontrer pourquoi. Donc, je relis l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, Bible en français courant. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Point. Regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, le descendant du roi David a remporté la victoire. Il peut donc briser le sept sceau et ouvrir le livre. Or, quand Kudumane, c'est-à-dire le Christ, est venu sur terre, physiquement, quand il est venu sur la terre, pendant qu'il était sur terre, nous savons ici que sur la terre, Christ, en tout cas le vrai Christ, ne va pas mentir. Le vrai Christ. Alors, vous entendez? C'est la méchance, c'est vraiment. Comment? C'est très amusant. Ok. Il ne peut pas mentir. Vous voyez, parce qu'il avait déjà fait un avec le Verbe. Il avait déjà fait avec le Verbe, il avait le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui. Et Christ, durant sa vie sur la terre, il a eu une conversation, il a posé une question dans Matthieu chapitre 22 au verset 42. Je répète, Matthieu 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? Point d'interrogation. Donc, Christ dit ici, là, qu'est-ce qu'on pense de lui? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait même des pharisiens en face de lui qui le posaient beaucoup de questions. Et Christ, maintenant, les pose maintenant une question. Il dit, que pensez-vous du Messie? Dans d'autres versions, que pensez-vous du Christ? Donc, en gros, qu'est-ce que vous pensez de lui? Lui, là, qu'est-ce que vous pensez de lui? De qui est-il le descendant? De qui est-il le descendant? Point d'interrogation. Vous devez comprendre ici, Christ, Loba, Christ ici, il connaissait déjà que ce problème allait se poser, que ce problème-là allait se poser, que les entités, en tout cas, les gens allaient venir modifier les faux juifs, je le dis, allaient venir modifier l'écriture et qu'ils allaient faire passer, soi-disant, un des anciens que je connais très bien dans le grand ordre des choses, qui va le faire passer pour menteur, en faisant croire que Christ est issu, était un descendant de David, de la lignée de David, de Soma, tout ça, et de Juda. Et Christ a déjà savait cela, même quand il venait sur terre. C'est pour ça qu'il est venu rectifier cela. Il est venu rectifier cela pour que plus tard, quand Jean ait la conversation avec l'un des soi-disant vieillards, des anciens, que quand l'écriture, là, quand ils vont modifier cela, pour que ceux qui avaient déjà lu ce que Christ avait dit sur la terre ne puissent pas tomber dans ce piège. Donc, je répète, dans Matthieu, chapitre 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Point d'interrogation. Il parle ici, descendant selon la chair, pas sa mère Marie, c'est-à-dire Eyoumé, parce que Christ sur la terre n'avait pas de père physique. Donc, Joseph n'était pas son père. Il était juste celui qui l'avait adopté. Est-ce que vous comprenez? Donc, Christ n'avait rien à voir avec Joseph par rapport à lien parenté. Non. Il était juste le fils adoptif. Tandis que c'est Eyoumé, sa vraie mère Marie, qui l'avait accouché parce qu'elle était de la descendance de Lévi. Est-ce que vous comprenez? De Lévi. Christ aussi était Lévi selon la chair. Mais si la Christ, néanmoins, il pose la question, lui, Matthieu, comme je l'ai dit, Matthieu 22, verset 42, Bible en français courant, que pensez-vous du Messie? Point d'interrogation. De qui est-il le descendant? Il est le descendant de David. Virgule, lui répondit-il. Donc, vous voyez ici, là, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont répondu à Christ en disant que Christ, c'est-à-dire le Messie, est le descendant de David. Parce... Voilà. Alors, la fin de la... Beaucoup de personnes étaient déjà... La fin de la sainteté, vous êtes là? Je veux que vous compreniez quelque chose. Tout à l'heure, il a dit que dans la Bible actuelle, ce sont les faux juifs qui ont introduit le fait que on dit que Jésus est issu de David. Mais d'après ce qu'on a dit, c'est dans l'intercation entre Jésus et ces gens-là. Donc, physiquement, alors que le Seigneur était là, les gens lui ont répondu que le Jésus, le Messie, est censé être issu de David. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Maintenant, il veut que vous compreniez ce que le garçon a dit. Il a en train de dire en tout cas que ceci est faux parce que la grande entité, cette entité-là, cet ancien qui expliquait ces choses à David, à Jean, ne pouvait pas dire ces choses, c'est que ça contredirait Christ. Et il est allé dans ce Matthieu 22 pour montrer effectivement que c'était faux. Or, dans sa démonstration, il dit que ce sont les faux juifs d'aujourd'hui qui ont introduit la notion du fait que Jésus soit né de Juda, soit issu de David et de Juda. Or, quand Jésus pose la question dans cette version, c'est ici, dans Matthieu, Il dit, de qui Jésus est-il fait, le Messie est-il fait? Il dit, ceux-là qui étaient face à face de lui n'ont pas répondu que des Lévites. Ils ont dit des Judas. N'est-ce pas, mes frères? Donc, il n'est pas question. Donc, d'après ce qu'il est lui-même en train de lire, ça conduit à ce qu'il veut démontrer. Parce que depuis le temps de Jésus, les gens savaient qu'il devait être issu de David. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant qu'on a modifié nulle part pour dire que Jésus est issu de David. Donc, on voit effectivement que lorsqu'on veut aller dans la folie, on va dans la folie et on continue à s'aveugler. Ça rend compte de ce qu'on a envie de dire. Lorsqu'il va finir de démontrer, on va aller dans ces versions-là, on va voir effectivement ce que Jésus-Christ ressortait dans cette question qu'il leur a posée. C'est ce qu'on va, ressortir cela. D'accord, mes frères? Ok, suivant. Dans cette fausse doctrine, beaucoup de personnes avaient déjà fait croire, avaient cru déjà au mensonge de Satan que Christ était un descendant de David, que Christ était de la lignée de Judas. Et ça, c'est faux. C'est pour ça que Christ savait cela. Donc, il a posé maintenant cette question pour faire taire cette rumeur, pour éradiquer, extirper cette fausse doctrine, ce mensonge. Donc, ces gens-là disent ici, il est le descendant de David, lui répondit-il. Bible du semeur, quelle est votre opinion au sujet du Messie? Point d'interrogation. D'après vous. Donc Christ dit maintenant, d'après vous. Vous c'est qui maintenant? Vous les hommes. Vous sur la terre, d'après vous. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà cette anomalie qui devait déjà être touchée dans le plan spirituel par Satan. Mais maintenant il dit, parmi les hommes, d'après vous, Christ est descendant de qui? Selon la chair. Vous voyez, d'après vous. De qui descend-il? Point d'interrogation. De David, lui répondit-il. Bon, maintenant, ils ont répondu à Christ que Christ était descendant de David, selon la chair. Remarquez ici que au moment où Dalé, c'est-à-dire Pierre, a eu la révélation que Christ était fils de Dieu, Christ lui a dit, tu es béni Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui t'a révélé cela. Or ici, Christ n'a nullement dit à ces gens-là que vous êtes bénis, que c'est Dieu qui c'est l'homme à qui les a donné cette révélation. Mais Christ va les reprendre. Vous voyez, Christ ne va pas accepter cette réponse. Christ va démontrer qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont faux, qu'ils ne viennent nullement de la lignée de David. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Matthieu chapitre 22, au verset 43, alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration du Saint de l'Esprit de Dieu, l'appela Seigneur? Point d'interrogation. En effet, il déclare deux points. Vous voyez, Bible, parole de vie, Christ leur dit, David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? Donc Christ dit ici, pourquoi donc? Comment un père, va appeler son fils maître? Parce que dans le plan spirituel, ça ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne passe pas. De même que dans Hébreux 7:7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, ça ne passe pas. Parce que selon Jean le Baptiste, on sait que Christ était plus grand que Jean le Baptiste, mais Jean l'a néanmoins baptisé. Pourquoi? Parce que Jean, physiquement, était plus grand, était né physiquement, est sorti physiquement avant le Christ. Donc, il était son grand frère physiquement. Mais spirituellement, c'est Christ qui était le grand frère. Or, Christ parle ici dans le plan spirituel, dans le plan visible. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il dit alors. Bible en français courant, Bible du semeur. Quel nom? Dans Matthieu 22, verset 43. Alors, comment se fait-il que David parla sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appela Seigneur? En effet, il déclare. Deux points. Bible, parole de vie. Christ leur dit, David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? Donc, Christ dit, pourquoi David l'a appelé, lui, Christ, maître? Si Christ sera encore son descendant. Vous voyez que ça ne tient pas. Donc, même si Christ vient sur la terre physiquement, il ne sera pas le descendant de David. Il ne sortira même pas de cette lignée. Il ne sera même pas appelé. Il ne pourra même pas être appelé fils de David. Parce que ce n'est pas son fils. Il n'a rien à voir avec David dans le plan physique. Christ l'a démontré. Christ le démontre ici. Donc, Matthieu chapitre 22, verset 44, Bible, parole de vie. En effet, David a dit, deux points. Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Bon, maintenant, alors le mot viens t'asseoir. Hein. Matthieu chapitre 22, verset 45, Bible en français courant. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David? Point d'interrogation. Donc, si David, dans l'ancienne alliance, a, sous l'inspiration de l'Esprit, a appelé Christ maître, c'est-à-dire maître et Seigneur, comment se fait-il encore qu'il soit un descendant de David, qu'il puisse venir en tant que descendant de David? Ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Christ ne peut venir que de la lignée qui a été choisie comme sacrificateur en tant que Lévite. Voilà. Donc, ouais, effectivement, qu'il ne connaît même pas la notion de sacrificature et le plan de Dieu par rapport au sacrificature. Maintenant, est-ce qu'il peut, il peut parler maintenant? Non, vas-y, on t'écoute. Rebonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Le verset de cette interview. Ça, c'est qui ça, même? Non, ne t'inquiète pas, ne te fâche pas, ma soeur, ne te fâche pas, d'accord, ne te fâche pas, c'est un Camerounais, et tu as épousé un Camerounais, donc c'est ton frère, c'est ton beau frère, d'accord, là, c'est Ophélie. C'est ça me dépasse, pardon. En plus, le mec, il s'embrouille, en fait, il n'y a même pas de suite logique dans ce qu'il raconte, même. Fais attention. Il s'embrouille, il ne sait pas même sur quelle Bible. Fais attention, c'est un enseignant, c'est le seul enseignant, c'est le seul enseignant. Quel enseignant, celui-là, il égare même les gens, mais ça, c'est même, il ne sait pas même sur quelle Bible. Une Bible bizarre. Bizarroïde, qui n'a même pas de nom, et il donne des théories qui n'ont même pas de sens. Moi, je ne comprends pas. Et les gens, même, sont là, ils écoutent. Moi, j'avais déjà écouté les enseignements de ce monsieur-là. Mais j'ai vite zappé, parce que quand je vois qu'il n'utilise même pas la Bible classique, j'ai dit, mais celui-là, même, il sort d'où? Avec son compère, il a un autre compère congolais, là aussi, là. Oui. Mais c'est-à-dire, je ne comprends pas, quoi. Bon, en tout cas, ça va. Voilà, oui, ça va d'abord, d'accord, c'est bon. Je sais que vous êtes remonté. Vous savez, quand j'entends quelqu'un dire quelque chose contre la Bible, j'ai seulement pitié de son âme. Quand j'entends quelqu'un aller quelque part, Dieu ne nous a pas envoyé aller boxer quelqu'un pour quoi que ce soit. C'est seulement présenter la vérité et laisser la chose faire, la personne faire la chose. Dieu nous a établi pour la défense de l'évangile. C'est pour ça que nous présentons ces choses-ci. Mais là, quitte à ce que. Écoutez très attentivement. Ce n'est pas le fait que les gens suivent en grande majorité tes prédications sur YouTube où tu vas avoir 22 000 vues, 400 000 vues qui montrent que tu es en règle avec le Seigneur. Que non. Ce n'est pas le fait que tu aies un grand nombre de membres que tu es en règle avec le Seigneur. Si c'était le cas, c'est que les musulmans, c'est la première religion. C'est l'Église catholique, c'est la plus grande des trophées des religions dans le cadre du christianisme. Ce n'est pas de ça dont c'est la question. C'est, il faut savoir si on est dans la vérité. Maintenant, dans ce livre de Matthieu, chapitre 22, qu'il a prêché, qu'il a mis là, le dernier verset montre clairement ce qu'il en est, ce que Jésus voulait en faire ressortir. La Bible déclare que nul ne peut lui répondre, parce qu'en réalité, l'interrogation de Jésus, comme celui-ci a présenté, il a pris ces choses pour montrer que c'est ce que Jésus voulait ressortir. Jésus ne voulait pas ressortir le fait que les gens ont tort de croire qu'il est issu de David, que non. Souvenez-vous, dans ce Matthieu chapitre 22, plusieurs personnes lui interrogeaient. Les pharisiens sont venus interroger, les sadducéens interrogeaient. Il a décidé de leur interroger ici parce qu'en réalité, il voulait montrer le but pour lequel le Seigneur Jésus montrait ici. Il voulait montrer effectivement qu'il est le Messie et commence normalement, quelle est sa relation avec David et la suprématie avec David. C'est pour ça que la question est donnée. Pourquoi David, comment dans ce cas, David remplit l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur s'il est son fils? Donc, quel est le rapport, donc, pour comment se fait-il qu'on puisse l'appeler Seigneur alors qu'il est déjà son fils? Parce que normalement, sur le plan spirituel, celui qui est ton fils est ton supérieur. Or, dans le livre de Matthieu, regardez très attentivement, il voulait montrer effectivement de l'origine spirituelle plus profonde et plus longtemps par rapport à David. Dans le livre des Michaux, chapitre 5, tout à l'heure, nous avons vu effectivement que celui donc qui vient issu de Juda, de la terre de Juda, son origine remonte au jour de l'éternité. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Maintenant, avant d'y arriver, prenez Matthieu chapitre 15, voir, lisez le verset 21 et 22. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Matthieu Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 15, pardon, qui va lire? Lisez rapidement. Rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 21. Chapitre 15, verset 21 et 22. Alors Jésus, portant, c'est bien ça, hein, chapitre 15, le verset 22. Alors Jésus, partant de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma famille Sa famille, c'est ce qui est écrit là-bas, mon frère. Ma fille, pardon. Ok, ne me dis pas. Voilà, c'est bon. Alors, oui. Alors ici, il est question, et ce n'est pas seulement lui baptisé, mais va crier le nom fils de David. Tous savaient, parce que tous connaissent depuis les prophéties. Mais ce que le garçon semble nous faire comprendre, c'est qu'il veut dire que c'est le chérubin jadis, ou ce qu'il appelle Satan, que c'est lui qui a introduit dans le livre de Dieu depuis. Donc ça veut dire que d'après ce qu'il a dit, il a fait que les Juifs ont cru que Satan a prêché aux Juifs que David, Jésus devait être issu de la lignée de David. Maintenant, je recommence encore. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, il n'est pas question de ressortir, de corriger un fait du fait qu'il soit fils de David. Il veut montrer la suprématie, la lignée que, malgré qu'il soit né de David, il existe longtemps avant David. Sinon, pour cela, que ce soit dans le livre de Michée, chapitre 5, que nous avons lu, on dit qu'il va être né de Judas, mais on dit l'origine de le monde au jour de l'éternité. Si vous lisez le livre de Hébreux, chapitre 7, que nous avons lu aujourd'hui, on dit qu'il est notoire que notre Seigneur, le Seigneur est issu de Judas, tribu dans lequel Moïse n'a pas parlé. Initialement, on l'a présenté comme Melchizedek qui n'est sans généalogie, sans père, sans mère, ni début de jour, ni fin de vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, on parle ici, il est en train de parler de la suprématie, de la domination de Christ sur la lignée de David. Il n'est pas de corriger. Nulle part, dans ce verset, il n'est pas de corriger. La preuve est que quand c'est fini dans le livre, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert là. C'est agaçant. La preuve est que quand c'est fini, la Bible déclare que nul ne peut lui répondre. C'est comme ça que Matthieu chapitre 22 finit. Personne ne lui a répondu aucun mot parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi il a dit cela. Maintenant, allons-y. Parce qu'il a dit que c'est quasi impossible que David soit, qu'il soit sur le Seigneur de David. Maintenant, allons-y dans le livre d'encore. Ouvrez encore Hébreux, Ésaïe chapitre 11, verset 1. Lisons cela, ce qui est écrit. Si vous répondez bien, vraiment, je vais avancer. Si vous ne répondez pas, il passe rapidement. On continue. Ça, c'est le réveil en Afrique. Les facettes des réveils en Afrique. Danger. Enfin. Ésaïe chapitre 11. Il y a aussi le passage de Jean 8:58 là qui reprend même aussi. Voilà. Quand il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Non, mais le problème, c'est que ce garçon, c'est ce garçon s'est en train de présenter ça en disant que Jésus voulait corriger le fait que David n'est pas issu de lui. Parce qu'en posant la question, si David l'appelle Seigneur, comment est-il le fils? D'accord? Or, et Jésus posait la question comme ça pour montrer clairement que, ok, regardez très attentivement que malgré qu'il soit le fils de David, il est quand même longtemps avant lui. Parce que David a parlé de lui, parce que David l'avait vu. Parce qu'il a dit que lorsqu'il est constamment à ma droite, il chancelle, point. J'ai dit quel livre déjà? Ésaïe 11. Lisons encore le verset 1, vous posez des questions. Mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Voilà, maintenant stoppons là-bas. Donc, la personne qui doit sortir du tronc d'Isaïe, il a en même temps rameau et rejeton, n'est-ce pas? Oui. Okay, oui. C'est quoi un rameau? J'ai dit qu'il veut poser la question, répondez rapidement, il continue. C'est un branchement. C'est un branchement. Je pose la question, tu réponds, ma soeur. Là, je ne suis pas sûr. Donc, je pose la question. Vous êtes... C'est une branche de palmier. Vous êtes parmi. Qui a parlé là? Rameau, rameau, tu dis plante, non? Tu poses la question, tu réponds. Rameau. C'est le frère Joseph. Le frère Joseph. Le frère Joseph est dans un endroit où son son n'est pas bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, on dit qu'un qu'est-ce qui sortira du tronc d'Esaïe? Un rameau. Oui, et qu'est-ce qui va naître de ses racines? Un rejeton. C'est quoi le rejeton? Le rejeton. Un enfant. Ouvrez Apocalypse alors, ouvrez Apocalypse. Apocalypse, chapitre combien, frère? 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. Lisez dans notre version pour qu'on puisse comprendre ce que l'on dit là. Est-ce que les gens vont lire ici dans cette vie-ci? Dans ma version, je lis dans ma version. Oui. Je lis au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter cette chose dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Donc, il a en même temps rejeton et quoi, frère? Postérité. Dans le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bon, dis-moi comment quelqu'un peut être en même temps des premiers, en même temps dernier, en même temps commencement, en même temps fin, en même temps début, en même temps fin. C'est possible ça? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, Jésus voulait révéler justement son caractère divin dans la postérité de David. Vous voyez cela? C'est pour ça qu'il a posé la question aux gens que dans ce cas, comment David, qui est son père, on l'appelle aussi Seigneur? Parce que ça n'a pas de sens que David, quelqu'un qui va naître après David l'appelle Seigneur. Donc ça nous montre qu'il domine sur David malgré qu'il va passer de lui, au travers de lui. D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est limpide. Alors, mais... je vois que ce garçon est dans le, à un esprit de garçon. Parce que quand le Seigneur, il a confessé que le Seigneur lui a apparu, et après il contredit encore son apparition. Pourtant, il voulait qu'on le croie, qu'il disait la vérité, qu'on regarde son visage, comment il dit la vérité. Et après, il est le premier. Ce n'est même pas les gens qui l'ont contredit, c'est lui que ma foi qui a démonté toute sa vision. Donc, il est vraiment dans l'égarement. Non, ça veut dire que sa délivrance a commencé. Il est livré entre vous-même. En fait, de lui ce que vous voulez maintenant. Il est le seul enseignant. Il a dit que toute tentative que vous allez vouloir faire maintenant n'est que canular. On va prier pour lui, frère. Allons-y, prions pour lui. Prions pour lui. Allons-y, frère. Allons, engage la prière. Allons-y. Seigneur, notre Dieu, ton roi, nous implorons vraiment ta grâce et ta miséricorde, Père, ce frère qui est égaré. Père, si tu es un de tes enfants, nous aurons confiance en ta parole. Et nous savons que ta parole est la vérité. Père, si tu es un de tes enfants égarés, nous sommes conscients, je suis pour toi là. Donc, ma prière, je te fais, c'est ton enfant, ramène-le, au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, c'est vraiment intéressant à faire. Parce que généralement, ça, c'est des choses qui peuvent séduire des âmes mal affermies, des gens qui n'ont pas la connaissance pour être écritifs de la parole de Dieu. Et c'est aussi bien que tu développes ce sujet-là parce que ça, c'est vraiment parti de l'ampleur. Et il n'est pas le seul, hein, comme vient de dire mon épouse. Ils sont nombreux sur la toile à justement faire aux gens boire cette eau que le Seigneur dépendait aux enfants d'Israël. Et retourner en Égypte pour l'eau du Chicor. Donc, l'évangile est édulcoré. Donc, ça, c'est pas étonnant. Donc, c'est aussi bien que tu développes ce côté-là. Amen. Et par là, beaucoup de gens vont comprendre qu'il faut faire attention, il faut s'attacher à ta parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottis dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie,